Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Casse sur Table, un numéro qui se sera fait attendre, nous en excusons tous. Autour de cette table, plusieurs indisponibilités autour de l'équipe et divers problèmes ont fait que ce podcast a été repoussé maintes et maintes fois. Avec moi aujourd'hui autour de la table de chez Issam, on change de lieu, nous ne sommes plus à la librairie maintenant, je suis avec Alex. Salut. Salut. Coucou. Nécro. Salut. Et bah Issam, vu qu'on est chez lui. Salut. Et Chris. Vu qu'on est chez lui, on est un petit peu obligé. On est chez Issam, mais il est pas là. Voilà, c'est ça. On virait, mais... On a un chat avec nous. D'ailleurs, si quelqu'un veut nous prêter une librairie une fois par mois... Pour avoir un nouveau lieu d'enregistrement. Mes chers camarades, comment allez-vous? Ça va. Comme un dimanche. Comme un dimanche pluvieux. Ouais. Comme un dimanche post-manifestation gilet jaune. Après, on a des bonbons et des gâteaux, donc est-ce que ça ne peut pas que bien aller? C'est ça, exactement. Oui. Ça peut que être bien. Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde le gros chat. Cherche le chat. Ça va nous perturber pendant tout l'enregistrement ouais, du podcast. C'est ça, ça va être le running gag. Alors, et si on faisait un petit tour de table pour savoir les nouveautés de chacun, qu'est-ce qu'on a fait entre-temps depuis le dernier enregistrement qui commence à remonter? Et si on commençait par Nécro, vu qu'il s'amuse avec le chat? Déjà, ça te perturbe. Là, je suis dans les préparatifs de Noël dernièrement. Sinon, j'ai un petit projet là qui commence à se monter. Je vous en parlerai plus tard. J'ai vraiment été beaucoup pris, donc ça a été la lecture. Mais après, à côté de ça, je me reposais dernièrement. Donc, ça voilà. Fait du bien aussi des fois. Ouais. Puis j'en avais besoin. C'est-à-dire que quand t'es vraiment claqué, c'est au moment où tu te reposes que tu te rends compte que t'étais claqué. Alex. Eh ben on parle de chat, et ben ça tombe bien, parce que moi aussi j'ai adopté un chat. Ouais. Un tout petit. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sirius. Wow. Ouais. En hommage à Harry Potter? Non, du tout, c'est même pas la même orthographe, mais on y D'accord. pense tous, de toute façon, non, dès qu'on entend le prénom. Mm. Voilà. Bon, autrement, beaucoup de lectures comme tout le monde, mais je pense qu'on va en discuter juste après. Avec le programme de voilà. ce podcast. Sally. Bah pareil, boulot, lecture. J'ai été plutôt contente de ce qui est sorti ce mois-ci. Beau rattrapage de Platinum End, que ça faisait 3 ou 4 tomes, que c'était vraiment vraiment pas agréable. Moi j'ai lâché l'affaire. Mais voilà. Donc, j'ai même pas commencé. Mais pourquoi? J'ai l'impression que enfin, c'était pas agréable depuis le début, non? Bah, le premier tome était pas terrible. Le premier tome était cool. Après ça. Ah, moi j'ai eu du mal avec le premier. Ah ouais? Le 2 remontait un peu, le 3 aussi, puis après ça. Ouais, j'ai trouvé qu'à partir du 3 c'était vraiment vraiment pas terrible. Voilà. Mais. Le dernier que j'ai dû lire, ça doit être le 5. 5-6, c'est vraiment nul. 7-8, faut lâcher l'affaire. Le 8, je crois que le 8 c'est le pire parce qu'il passe tout le temps à faire il faut pas que je tue Maître Polyman, mais il faut que je tue pour sauver les autres. Il faut pas que je tue. Ah, le personnage principal c'est une pleurnicheuse, c'est dingue. Mais dans 9, on voit pas, donc du coup c'est cool. Hein? Ça peut être intéressant. Oui, non, mais là non. C'est trop long. C'est une histoire de gestion, parce ouais, pas de. Ben, ouais, je pense que le gros souci, je pense, Platinum End, c'est que c'est mensuel comme publication. Ah, c'est des chapitres de 50 pages. Et à mon avis, ils ont du mal avec ce rythme-là. D'accord. Parce que du coup, bah, tu passes un chapitre de 50 pages avec le héros qui se morfond. C'est les auteurs de Death Note et, c'est ça, ouais. Exactement. Comment... et de Bakuman. Ouais, Bakuman. Ouais. Qui pourtant sont deux excellentes séries. Voilà, du coup, ça donne envie de les relire. Bakuman, c'est trop bien. Mais voilà, donc du coup, c'était mes achats d'hier que j'ai lu hier. Voilà. Issam, toujours un hôtel pourri. Ouais, c'est ça, toujours. Dans une ville de merde. Avec des exibes. Toujours. D'accord, avec des prostituées qui font des trucs derrière les petits. Les petits arbustes. Elles prennent des chambres, les prostituées. Ah oui. C'est les cousines. Pardon, quoi? Ben, je pensais pas que tu voyais ce genre de personnes dans. Bon, si, bien bah sûr. Si. Dans un hôtel. Moi, je suis encore innocent. C'est-à-dire, pour t'expliquer, la dernière fois, il parlait d'un vieux monsieur qui recevait sa cousine et qui savait pas comment elle s'appelait. Du coup, déjà, t'arrives oh sur mais... le jeu. J'ai eu des bagarres de prostituées, moi. Oh là, c'est exceptionnel. Ça, c'est bien, ça. Non, non, rien. Là, avec Noël, tu vas pas avoir des cosplays de Père Pas Noël et Mère Noël ou... Non, c'est, en fait, c'est bien, tellement fun. C'est bien la période de Noël parce que ça se vide. On n'a pas grand monde à Noël, c'est bien. Ah, ouais. Ça se vide dans tous les sens du terme. Quand il s'agit de prostitution. Je vais éviter mes grosses boules de Noël. Oh, oh, oh. Viens voir mon sapin magique. En fait, Issam, j'avais une question. Comment ça se passe la colocation avec Hans? Ah, ça se passe très bien, mais je suis un colocataire très agréable. Je vais aménager les douches, c'est tout. Et justement, en parlant de douche, ça va? Vous faites pas trop d'arriver à vous coordonner pour y aller on n'a pas les mêmes horaires. D'accord. On se débrouille bien. Je crois qu'Hans, la dernière fois, avait échangé le tuyau de gaz et le tuyau d'eau chaude, c'est ça? Ouais, non, c'est mal passé, j'ai eu les fuites. Bon, n'importe quoi. Non, mais il y a un temps d'adaptation, c'est normal. J'ai GDF qui est venu, qui ont râlé. Je vois que tout le monde est toujours en forme après cette longue absence. Vous noterez que c'est même pas moi qui l'appelle. Oh, c'est un peu me provoquer. Après, on va me dire, il fait des blagues sur les nazis, oh là là. C'est mon petit péché mignon. Réclame, hein. C'est mon petit péché mignon, excusez-moi. Et puis moi, de mon côté, ça a été beaucoup de lecture aussi, beaucoup de jeux vidéo, dernièrement. Spider-Man, entre autres. Spider-Man, la dernière adaptation de Insomniac Game, qui est vraiment géniale. Le remaster de Spyro, qui est très réussi aussi, mais qui est très simple, du coup. Et puis tu t'es remis à Soma, je crois. J'ai commencé Soma, donc qui est un jeu horrifique... beaucoup basé sur l'ambiance. Qui permet très aussi sympa. De jouer, même si on n'est pas balèze à tuer des monstres, qui a un mode histoire. Il y a un mode story où les monstres sont présents, mais ils sont totalement inoffensifs. Donc tu gardes l'aspect un petit peu horrifique, tension, mais tu sais que tu crèveras pas, et donc tu peux profiter de l'histoire. C'est le genre de mode qui devrait être présent dans tous les survival horror, en fait. Oui, bah oui. C'est une version avancée de Telltale. Après, est-ce que la tension reste vraiment si tu sais... Plus de gameplay quand même. Ouais, justement. Mais tu te fais oublier ça dans ce cas-là, parce que c'est vraiment spécial, t'as vraiment tout un build-up sur l'ambiance. Ça m'a beaucoup fait penser au premier opus de... comment ça s'appelle ce jeu un peu steampunk qui se passe dans une cité sous-marine? Bioshock. Oui. Bioshock, le premier Bioshock, t'avais ce truc-là où quand t'entrais dans une pièce, t'entendais un robot qui était en train de se bouger, tu te planquais dans le coin en disant « Merde, je vais crever, là !» Ah, Bioshock, c'est un jeu extraordinaire. Vraiment, c'est une grosse claque. Qui a eu son remaster il y a quelques années. Ouais. Mais donc voilà, c'était mes principales occupations. T'as commencé XXL2, le remaster? XXL2, non pas encore. Asterix et Obélix XXL2. Qui a eu le droit effectivement à sa refonte là. Ouais, c'est plus un remaster vite fait, c'est pas un vrai remaster comme Spyro par exemple. Alors que Spyro, ils sont une remise en HD, ils ont un peu polishé les textures, etc. C'était déjà de la PS2. Hein, donc, alors que Spyro, ça restait propre de base. Spyro, il y a un vrai travail qui est fait. Bon, Spyro, c'est vraiment, ils l'ont refait quoi. Ouais, mais il y a des moments où ça ramouille et c'est un petit peu. Ouais, mais ils ont pris juste genre le GD qui était déjà là et ils ont tout refait, les assets. Ah oui, bon, tout, voilà, graphiquement, tout est refait quoi. Alors, un truc que j'ai appris. Pour le premier Spyro, pour le vol, ils ont vraiment demandé à un ingénieur aéronautique de les aider pour savoir comment ils pouvaient faire réaliste pour le moment où le dragon volait. Les gars, ils étaient à ce point-là hein, quand ils ont fait le Spyro, le jeu. Ils ont demandé à un spécialiste des avions. C'est Naughty Dog, donc. Il y avait un souci du détail quand même à l'époque, quoi. Oui. On a un peu perdu. Tu vois un dragon bleu, c'est pas la première chose que tu te dis, quoi. Mais c'est impressionnant en plus, je savais pas, mais les dates de sortie des trois premiers sont hyper rapprochées, ils sont sortis à moins d'un an d'intervalle. Ouais. Oh cool. Et sachant qu'en plus le 2 était vraiment bon, et le 3, à chaque fois il rattrapait des défauts des premiers opus, donc c'était pas juste faire une suite. C'était, moi j'aime moins le 2 que le 1, mais... Il paraît que le 3 est vraiment très bon. Le 3 est génial. Il va falloir qu'on lance un podcast du vidéo. Vraiment extraordinaire. Ouais. Oula. Un podcast du vidéo rétro. On l'appellera Pixel Mort. Pour ça, on parle que du retro gaming, tu sais, les vieux jeux. Ben, c'est pas un mauvais titre. Hein. Est-ce qu'on se lancerait pas dans le programme de ce podcast? Ah oui. Allons-y. Est-ce qu'on commencerait pas par un titre qu'on a tous lu et tous apprécié? Oh bah, carrément. Hein? Donc les flammes. La grosse sortie Eden Zero. Non, je parle de Solitude d'un autre genre. Ah. Un one-shot édité par Pika, dans la collection Pika Graphique. Pika. C'est bien, tu nous fais un petit bruitage, c'est rigolo et c'est mignon. Et c'est écrit et dessiné par Nagata Kabi. Qui veut nous faire un petit résumé? Bon, bah, je veux bien. Bah vas-y alors. Alors, Solitude d'un autre genre, c'est un récit autobiographique de la part de la mangaka, qui quand elle était jeune, enfin quand elle est arrivée à je crois une trentaine d'années, voilà, ne se sentait pas à sa place dans la vie, que ce soit professionnellement ou personnellement. Elle sortait pas, elle voyait pas le monde. Elle avait aucune vie sentimentale et sexuelle et ça lui faisait peur. Elle vivait pour le plaisir de ses parents principalement. Voilà, c'est ça. Elle vivait sa vie professionnelle était globalement un désastre. Elle restait très enfantine en fait finalement. Elle assumait pas d'être arrivée à l'âge adulte. Et peu à peu, elle commence à s'interroger sur les raisons de tout ça et à se rendre compte qu'elle est plus attirée par les femmes que par les hommes. Et c'est le récit de sa découverte, enfin de son exploration, on va dire, de l'homosexualité, entre autres avec une prostituée, et aussi la réappropriation de sa propre personne, notamment à travers réappropriation de son corps. Voilà. Alors qu'elle se délaissait, non seulement elle se délaissait, mais même elle se maltraitait. Elle s'automutilait. Elle s'automutilait, elle s'affamait, elle était anorexique. C'est une reconstruction à la fois physique, psychologique et sexuelle. C'est même une déconstruction suivie d'une reconstruction. Ouais, c'est ça. On coupera si c'est du spoil, mais reconstruction qui en plus n'est pas complète à la fin du manga, il y a encore bien du chemin à parcourir. Et puis même, il y a aussi tout un truc sur le regard qu'elle a d'elle-même par rapport à ce qu'elle a posté quand elle a commencé à, diffuser son histoire. Oui, sur les réseaux sociaux et tout. Parce que oui, elle a commencé à diffuser son histoire avant finalement la fin de l'écriture de tout ce qui a été fait. Et du coup, elle a eu un retour bienveillant sur son histoire. Qui l'a aidé à continuer, à avancer, et puis même les éditeurs qui soutenaient, des gens qui commençaient à reconnaître son travail, et c'est vraiment une histoire assez cool. C'est un de mes coups de cœur du mois. Très bien, aussi. Graphiquement, je trouve ça, c'est assez original. Alors, graphiquement, ça fait très roman graphique, oui. Plus que manga vraiment traditionnel. Ouais, toutes les pages sont un peu disposées de la même manière, niveau mise en page, il y a très très peu d'exceptions. Il y a une colorisation, mais qui tend plus vers le rose, tout le temps. Mais on ressent le côté un peu blog, justement, avec une page qui arrive de temps en temps. Mais c'est pas gênant du tout. C'est entre le manga et la BD traditionnelle. Mmh. Enfin, Est-ce que c'est Pika qui a fait ça ou est-ce que c'est en sens de lecture? Non, c'est Pika qui l'a mis en sens de lecture française. Ouais. Okay, ouais. Pour attirer le grand public. Je fais des guillemets en disant grand public. Ouais. Ceux qui gueulent Amazon parce que le bouquin est oui, c'est idiot, oui. C'est totalement stupide, oui. On est d'accord. C'est des raisons éditoriales qui nous échappe. Ouais. Surtout que ça vise pas un grand public de base. Ben non. Bah, c'est peut-être la taille du format aussi qui a fait qu'ils se sont dit qu'ils allaient plus le mettre dans ce sens-là. Ouais, mais tous les pika graphiques ne sont pas dans ce sens-là. Comme ça. Ouais. Tu vois. Non, c'est vraiment un choix étrange, quoi. Mm-hmm. Ah, je comprends même pourquoi je trouvais l'histoire bizarre. Je l'ai peut-être pas lu dans le Là, ça commence, elle va un peu mieux, et puis à la fin, elle déprime, et puis... introverti. Non, mais j'ai pas trouvé ça plus gênant en fait. Je m'en suis même pas aperçu, franchement. Alors, mais en fait, les raisons de ce choix éditorial, c'est les raisons. Ouais, non, mais je vois, mais comme je te dis, j'ai même pas tilté qu'il était pas dans le bon sens entre guillemets. Mais sinon, il y a un truc quand même que j'ai senti important moi de mon côté. Ça me touche un peu plus, donc je me suis un peu plus rendu compte du truc, c'est qu'effectivement, elle a des relations lesbiennes, mais à côté de ça, on sent une certaine asexualité, c'est-à-dire qu'il y a la découverte, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, même si elle veut continuer à découvrir. Mais oui, il y a une certaine forme d'asexualité. Bah après, liée aussi à sa perception d'elle-même. Oui. Mais je suis pas certain du terme, mais quand... ce qu'on appelle pansexuel, c'est qu'on ne fait pas attention au genre, c'est ça? Oui, genre, sexe, ça. Pour moi, c'est qu'elle n'est même pas lesbienne, en fait, elle l'expliquait même, c'est qu'elle est pansexuelle et qu'elle est juste. Enfin, c'est juste. Elle ne considère pas les femmes comme des femmes, elle les considère juste comme les personnes qui l'attirent le plus. Oui. Enfin, je ne sais pas vraiment trouver les mots pour l'expliquer, mais. Je sais que. Alors, pour définir pansexuel. On en parlait comme ça, quoi. Pour définir pansexuel, il y a le Dr. Who qui est pansexuel. D'accord. Je vois. T'as réussi à le caler, c'est bien. Non, je sais pas si je l'aurais osé, moi. Mais ouais, j'ai plus perçu ça comme justement de la pansexualité, si je... c'est le bon terme, que le fait d'être lesbienne, quoi. Ah ouais, parce qu'il y avait tout le rapprochement. Alors je sais que c'est pas forcément. Mais le fait que, genre, elle avait compris qu'elle est. Son homosexualité parce que justement elle aimait les femmes, que genre elle était très attachée à sa maman, que même si c'est pas le fait qu'elle aimait sexuellement sa mère, tu vois, c'est pas ça, mais c'est que genre il y avait ce genre de truc, et je pense que c'est pour ça qu'elle se définit comme homosexuelle, parce que justement elle est plus attirée par la douceur des femmes que t'as le passage aussi où elle t'explique quand elle voit des photos d'hommes nus, ça lui fait rien, alors quand elle voit des photos de femmes nues, là ça les moustille. Ou alors c'est peut-être dans le deuxième tome que j'ai lu, mais je sais qu'à un moment elle explique justement, et elle fait un dessin super représentatif de l'idée. Oui. C'est qu'en fait elle met vraiment les femmes et les hommes d'un côté, et elle dit bah en fait je suis plus attirée par les femmes, mais pas parce que c'est physique. C'est plus joli. Ouais, peut-être. Mais ça elle le dit déjà dans le premier tome. Ouais, voilà. Deuxième tome 2. Oui. Alors ça, on va aborder. Un tome 3 qui va sortir. Voilà. En fait, c'est une série. Mais pas en France. C'est une série, mais en France, Pika a pas l'air décidé de sortir la suite. Il devrait se contenter de sortir que celui-là. Mais c'est bien vendu ou pas? Je sais pas. Je crois que c'est une réussite. Je sais pas. Enfin, il y en a beaucoup de monde qui en a parlé, donc je pense qu'il y a quand même eu un engouement dessus. Donc après, on peut quand même dire que ce premier tome se suffit vraiment à lui-même. Oui. Il peut être lu comme un one shot. Oui. Faut pas non plus se dire il y aura jamais la suite de publier, donc je vais pas l'acheter. Non, ça serait bête. Vraiment très bien. Bah, ça serait vraiment passé à côté d'une expérience, je pense, un peu unique. Quoi. Bah oui, c'est ça. Donc ouais, il faut pas se rebuter pour ça, quoi. Si ça s'est mal vendu, c'est peut-être de la faute de Pika, parce que l'autre série, beaucoup sur les sexualités autres, il y a eu Akata qui a fait Éclat d'âme il y a pas longtemps et qui marche bien pour le coup. Dans le dernier tome, vient juste de sortir. Ouais, j'ai très hâte de lui. Après, le problème se situe peut-être aussi dans la. Jusqu'au 3, c'est tellement génial. Il est un peu épais, mais il est vraiment bien. On l'a joué hier avec Alexandre. C'est peut-être aussi le problème de le fait de l'avoir mis en avant juste sur le côté sexuel, lesbienne, quoi. Alors que le livre ne se focalise pas du tout là-dessus, ouais, quoi. C'est vrai. Vraiment la mise à nu de l'autrice. Complètement qui en arrière-plan, j'aurais pas jusque-là. Parle de sa personnalité, de ses problèmes psychologiques. Et elle qui est en premier plan. Voilà, quoi, c'est sa personne en fait, c'est un tout. Ça parle même de dépression, c'est un sujet difficile à aborder et qui a très peu de gens de ça qui réussissent à l'aborder aussi sereinement qu'elle le fait, quoi. Ouais. On sent qu'elle a mis longtemps avant de l'aborder sereinement, ça a été justement. C'était très très compliqué. Et que même quand elle le dit, quand elle a commencé à l'écrire, c'était loin d'être serein pour elle de dire ça. Ah ouais, bien sûr. J'ai adoré l'image de ses parents qui étaient toujours souriants, qui comprenaient pas du tout ce qui se passait, la caricature des parents qui bitent pas du tout ce qui se passe. Et qui en plus continue à la sermonner. Une lecture qu'on recommande tous, du coup. Ah, ou complètement. Mais par rapport à ce que tu disais sur le fait que la sexualité n'était pas forcément le seul thème, je me demande si c'est pas une sorte d'averte. Enfin, ouais, c'est idiot, mais j'ai l'impression que certains éditeurs veulent avertir leurs lecteurs que ça va traiter de thématiques LGBT. Ouais, mais dans ce cas-là, Pika n'aurait pas apporté du changement au titre. Parce que normalement, le vrai titre, c'est ma première expérience lesbienne, si tu le traduis bien. C'est my first lesbian experience. Ouais, c'est pas. Ça aurait été le cas, Pika n'aurait pas changé le titre en supprimant le mot lesbienne comme si c'était un mot honteux. Mm-hmm. Tu vois, parce que même dans les communiqués, ils le mettaient pas, quoi. Ouais. Genre, oh mon dieu, faut pas dire ce mot. Mm-hmm. Alors que là, limite, effectivement, le titre colle pas complètement à ce qui se passe dedans. Pika, c'est très. Enfin, Pika, ils ont une direction éditoriale très étrange, comme. Tu sais, des fois, t'as l'impression qu'ils se cachent, des fois, ils sont fiers de ce qu'ils montrent, des fois, on sait pas trop. Des fois ils montent leur bite, ils sont fiers. Je comprends pas. Hein. Des fois il y a des gars, ils les traitent d'enculés dans des podcasts, et puis c'est pas grave, ça passe. Ouais, mais faut plus le faire maintenant, ils nous envoient des trucs. Ils nous envoient des scans, donc on peut encore. Ouais, et puis bientôt. Oui, mais juste un peu. C'est des gentils enculés. Des gentils connards. Bientôt, si ça se trouve, avec l'article 13, on sera obligé de plus dire les titres des trucs. Hein. Sans qu'on n'est pas sur YouTube. Il y a la Pologne où il y a un pays de l'Est en tout cas qui a refusé, qui fait partie de l'UE et qui a refusé l'article 13 justement, et que du coup ils peuvent pas l'appliquer parce que c'est pas tous les pays de l'Union Européenne qui sont d'accord. Ouais. Donc, du coup, on essaye. C'est pas encore voté à 100%. L'article 13 en vodka. De toute façon, c'est obligé d'être de vodka encore, libre. Donc, il est pas encore fini. Bah tant mieux quoi. Seule la vodka est libre dans l'autre pays. Ah, putain, il y a un nouveau personnage qui apparaît là. Après Hans, on a Gruber. Nous sommes malheureux et nous travaillons 20 heures par jour et 4 heures à boire en vodka. C'est un mélange de polonais et de suisse. C'est quand même mieux quand tu. Vu le rythme, vu le débit de parole, c'est un polonais suisse. Oui. T'es plus à l'aise. Ça fait suicidaire. Hein. Ouais. Pour faire de la vodka, nous fermentons de l'alcool de patate. J'ai plus regardé de films allemands que de films polonais. Ceci explique cela, ouais. Ouais, non, faut que tu te regardes quelques films russes. Il y avait un film style Avenger, mais en russe. Oui, avec je l'ai, mais je l'ai pas encore regardé. Non, pas un homme ours, un homme grizzly. Un homme grizzly, pardon. Vu que c'est en Russie. Étrange. Poutine. Ça a l'air trop bien. Un espèce d'assassin. Oui. Maman, il lui met des gros sulfatos sur le dos à l'ours, il est comme ça. Il canard tout, ça a l'air trop bien. Il y a même un gars qui a une tête d'ours. Il y a l'ours armé. Il y a un gars avec une tête d'ours. Non, je crois que c'est le mec en fait qui se transforme. Ah, c'est le mec qui se transforme. Mais oui, c'est le mec qui se transforme. En énorme. Ce dont je me méfie avec un film de super-héros russe, c'est du message que ça fera. C'est la propagande qui peut y avoir dans un film. Eh bien écoute, je le regarderai prochainement, bon, je te dirai. Ils vont refaire débarquer le super ouvrier de l'époque. Ah bah là, c'est pas Thanos Wins, c'est Vladimir Wins, quoi. Je trouve, Vladimir je trouve qu'à la main, à la fin, quand il y a Poutine qui est sur l'homme ours en le chevauchant et puis qui réussit à battre les méchants, quand même, c'est un peu trop. Mais... Mais tu, je crois que tu trouves des photos, enfin pour t-shirt de Poutine qui fait un câlin, un grizzly. Oui. Il y a même un musée de modèle réduit en Russie où ils ont mis un petit Poutine sur un ours. Un petit Poutine. Un petit. Un chibi. Un petit Poutine. Un chibi de Vlad. Il serait temps peut-être de passer à une deuxième chronique. Ouais. Est-ce que ce podcast n'en finira pas si nous continuons comme ça? Eden Zero. Bon, bah, puisque tu veux aborder le cas Eden Zero, abordons le cas Eden Zero. Ah bah, abordez-le, moi je l'ai pas lu. Alors que tu ne l'as pas lu, non. Nouvelle série du coup de l'auteur de Fairy Tail, le bien nommé Hiromashima, toujours édité par Pika du coup. Oh, le bien nommé. Le bien nommé, je sais pas. C'est pour faire une blague avec Hiroshima, c'est ça? C'est une formule qui est sortie comme ça. Moi je trouve que là c'est raciste, monsieur. Ouais. Oh mon dieu. Ouais, c'est vrai qu'il est... ouais. Un peu explosif comme je t'aurais pas osé celle-là. Ouais, non, non plus. Non, mais c'est parce qu'il est sous champignons, faut pas lui en vouloir. Ah, mais c'est ça dans les cakes. Qui veut nous en parler? Bah, Eden Zero, voilà, c'est dans le titre. Eden Zero. Alors, monsieur Necro, alors. Je vous tends le bouquin. Alors, autour de la table, précisons que nous sommes quatre pour avoir lu Necro, Issam, Sally et moi-même. Donc, je vais être le plus neutre possible. On va dire que c'est une tentative de recyclage désespéré de... des personnages. Pas désespéré, totalement calculé. Ah, totalement calculé. Ah, merci. Merci. Donc totalement calculé de dans le Vital, et qui a décidé ce coup-ci de faire une aventure dans l'espace et avec des personnages donc qui dont une fille qui est youtubeuse, donc youtubeuse de l'espace, voilà. Ça sonne tellement ridicule. Ah, c'est ouais, c'est terrible, ouais. Ça commence mal. Et qui récupère un jeune homme. Qui lui a toujours vécu sur une planète où il a été élevé par des robots. Voilà. C'est très mougli comme ça. Dit comme ça. Et après, les robots font semblant de se rebeller et de façon à ce qu'ils se barrent sans voilà. Avoir l'idée de revenir en arrière. Parce que lui, son but dans la vie, c'est de se faire le plus d'amis possible, parce que le pouvoir de l'amitié, tout ça, tout ça. Voilà. C'est vrai que déjà, le but des personnages, il y en a une, c'est de faire le plus de vues possible. Voilà. Ça, c'est super. Spoiler, suffit de montrer sa culotte. Hein. Et il y en a un, c'est de se faire le plus d'amis possible. Spoiler, il suffit de montrer sa culotte. Ah oui, alors là ça marche moins bien. Vous êtes moins con dans ce cas. Parce qu'il essaye de se mettre à moitié à poil et puis d'aller au contact avec les gens, mais ça marche pas. Et on revient à Mowgli là de suite. Donc les personnages, on a Erza en Albator. Donc il s'appelle Erzi parce que l'originalité. Elle s'appelle Erzi. L'originalité on l'a perdu, c'est comme le respect. On a le chat Happy qui est devenu un chat. Je spoil pas. Mais qui s'appelle toujours Happy par contre. C'est Happy. C'est toujours un chat bleu qui parle, voilà. Sauf que là, il vole plus. Ah bon ? Bah, il a plus ses ailes dans le dos. Oui, mais il vole avec ses... Oui, ses voilà. Avec le pouvoir de l'amitié. Mais... ouais, ça arrive plus tard, mais sinon, voilà, c'est... il a plus ses petites ailes d'expel. D'accord, ok. Parce que ce n'est pas un expel, c'est un chat. Après, c'est que le premier tome. Ça va revenir dans le deuxième. Sinon, le personnage de Lucie qui a été recyclé, du coup, pour faire le personnage principal, et qui a gagné, en plus, un bonnet de poitrine. Toujours de poitrine, voilà, c'est tout, non, je sais pas, qui veut faire une description, fan service, tout ça, on peut en parler longtemps. Bah, Mashima n'a de nom d'auteur que de métier, quoi, en fait. C'est pas un vrai auteur, c'est un plus un commercial sa directive que... Mais... qu'un vrai auteur qui va créer de l'histoire, des vraies histoires, quoi. En fait, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est en lisant Eden Zero, j'avais jamais lu Fairy Tail, la manière d'autre de Mashima. Je n'ai pas compris en fait le succès parce que c'est vraiment pour moi le alors ça va être relativement efficace vu que ça applique stricto sensu une recette narrative qui a fait ses preuves. Oui, tu dis t'as pas compris le succès. Eden Zero n'a pas de succès pour l'instant. Oui, c'est un bide hein, chez nous pour l'instant. Ah bon? Ouais, mais du coup, vu que tout le monde dit que Fairy Tail c'était à peu près pareil. Mais par contre, Fairy Tail cartonne. Bah, c'est en fait voilà, il y a aucune personnalité, il y a aucune petite valeur ajoutée, que ce soit dans l'univers, dans les personnages, dans quoi que ce soit, qui me pousse à lire ça plutôt que n'importe quel autre shonen. Alors, j'ai un exemple qui pourrait être probant pour expliquer le truc, c'est Dragon Ball Super. Et bah, juste, imagine, ils auraient fait Dragon Ball Super, mais en changeant légèrement le nom des personnages, les couleurs de cheveux, et en faisant une histoire qui se passerait ailleurs. Bah, c'est pour moi, c'est un peu ce que je ressens. c'est un peu ce que je ressens par rapport à ça, quoi. C'est moyen, c'est du recyclage, c'est du fan service au possible. Si, il y a deux pages qui m'ont marqué où je me suis dit, ah tiens, il se passe quelque chose. Il se passait quelque chose d'un seul coup. Pour apprendre un petit peu le background de certains personnages. Mais. Du flashback. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une pique émotionnelle au milieu, et puis après, il y a. Voilà. Bon, après, c'est même en fait ce flashback-là, il pourrait être touchant s'il était un peu plus long, quoi. C'est... J'ai l'impression qu'il essaie de se la jouer. En fait, j'ai souvent l'impression, au niveau mise en scène, qu'il essaie de se la jouer Oda. Je trouve qu'il y a des trucs qui rappellent beaucoup Oda. Sauf que Oda, il planifie et que lui, il fait au fur et à mesure. Je suis même pas sûr que Oda planifie, c'est juste qu'il a du talent. Si, il a planifié des trucs. Et Oda, quand il est. Déjà, il est si mieux que ça, il a probablement plus d'assistants aussi, Oda, qui doit crever à la tâche. Voilà. Après, je pense que Mashima a quand même pas mal d'assistants aussi. Ouais, mais voilà, c'est. Et quand il y a un flashback dans One Piece, en fait, le flashback, il fait 10 chapitres, il fait un tome complet. Donc quand il y a le pic émotionnel à la fin. Ouais, tu t'y attaches. Là, le flashback en question, t'as découvert les gens, il y a 10 pages, quoi. Donc. Ouais. Ah oui. Okay, ouais, j'ai pas eu le temps de m'y attacher, je m'en fous. Il y a aussi beaucoup de Deus Ex Machina dedans. Oui. Des trucs. Mais souvent le pouvoir de l'amitié. Comme dans Fairy. Le pouvoir de l'amitié, et puis aussi un truc qui s'appelle l'éther, qui. Il le dit dedans, ça expliquera tout. L'avoue. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est l'éther. Il le dit à la fin, ce sera du ta gueule, c'est magique partout. Je veux dire, le mec, il l'assume. Elle le dit à la fin. Ouais, attends, je vais te retrouver. Et puis ça. Il dit, c'est pas de la SF, c'est de la SF, c'est de la science-fiction fantasy. Ce stade-là, c'est quand même un vrai génie, quoi. Il crache à la gueule des lecteurs et les gens avalent. Ouais. Bah, a priori, non, parce que comme il disait Christophe. Oui, parce que chez nous, ça fait un bide, ouais, mais je pense que là-bas, ça doit. Mais le premier tome, c'est moins bien vendu que ce que Pika l'imaginait. Hein. T'as vu les chiffres? Oui. C'est vrai? Il y a eu des chiffres qui ont. Quant à la super technologie utilisée dans l'histoire, je l'expliquerai toujours en me réfugiant derrière le pouvoir d'éther. Et c'est normal, c'est un manga de SF Space Fantasy. Mais voilà, c'est. Ah ouais! Oui, non, la postface, je l'ai lu, j'étais mort de rire. En fait, il dessine son manga sur les chiottes tous les matins, quoi. Il a une idée qui pop, il fait, bon allez, aujourd'hui ce sera ça. Alors aujourd'hui, donc elle monte son cul avec le chat qui est habillé en string. Là, ça c'est quand il est bourré, et puis après il se dit, ouah, je le laisse. Et le pouvoir de l'amitié est balancé dès la page 3 quand même. Il va particulièrement vite. Bon, on peut quand même reconnaître au moins que visuellement c'est pas dégueulasse. C'est très bien dessiné. Voilà. Ah bah c'est sûr, ouais, les anatomies. Mais Mashima a quand même un beau style visuellement, au moins. Oui, c'est ouais, bah oui. Enfin, c'est pas. Magnifique. C'est sûr qu'il faut au moins 3 assistants pour décider. Et le culotte. Et le passage Erza Albator m'a donné envie de regarder de nouveau Albator. Oui, mais voilà. c'est vrai que. Voilà, le chara-design avec le cachet, la cape noire. Non, mais. Même c'est Tarantino, il fait des hommages plus subtils. Alors que pourtant. Bah, il manque plus que la cicatrice avec les traits. Enfin voilà, c'est. Ah, bah attends, elle a pas sa mèche qui cache une partie de son visage et on verra peut-être la cicatrice plus tard. Bah si, regarde. Ouais. Tu l'auras ta cicatrice. Si, voilà. Tu l'auras. Il y a la petite cicatrice, voilà. Tu l'auras la cicatrice. Donc voilà, Eden Zero, pour l'instant, 2 tomes de sortie au Japon. Donc on est. Très très proche du rythme japonais. Ah, il y en a que 2. Ah, il y en a que 2 au Japon. Ah, ça se trouve, ça s'arrête le troisième, on se dit, c'est bon. Le deuxième chez nous sort en janvier, je crois. Après, de ce que j'en sais, il va à 100 à l'heure. Oui, il a un rythme assez effréné. Ouais. Ouais. En général, il sort 5-6 tomes par an. Je crois même que c'est plus, j'avais vérifié sur Fairy Tail. Il y a un putain de rythme. C'est, ouais. Ça fait partie des trucs que tu peux pas lui reprocher, quoi. Oui, après, bon, privilégier la quantité à la qualité, est-ce une bonne chose? Non. Alors, sinon, le message porté aux jeunes, hein, c'est. Prenez des risques en faisant n'importe quoi. De toute façon, l'important, c'est d'avoir le maximum de vues pour sa chaîne YouTube. Et d'avoir des amis. Ouais. Mais même la divinité, qui apparemment est plus grosse qu'une étoile, il faut qu'il lui fasse une grosse... paire de seins, ouais. Paire de seins, quoi. Mmh. Ah oui, non, mais oui. En plus, la divinité, je vais... On dirait un gros fantasme de l'auteur, quoi. Ouais, mais ça m'a évoqué la DS en plus dans Captain Planet. Donc, une fois que t'as pensé à ça, va rester attentif sur ce que tu regardes. Là, c'est mort, c'est fini. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Bon, voilà, c'est joli. Pour ceux qui connaissent pas Fairy Tail, ils vont se faire chier. Pour ceux qui connaissent Fairy Tail et qui sont accro aux personnages, ils vont se faire chier. Mais au moins, il y aura des passages qui vont leur rappeler des trucs. Voilà. Non, bah, les gens qui ont été fans de Fairy Tail et qui recherchent exactement la même chose, visiblement, seront contents. Mais je pense qu'ils auront même pas la même chose. Ils auront pas la même chose, parce que c'est même pas le même genre. Non, bah, qu'ils relisent Fairy Tail. Enfin, comme il le dit à la fin, quoi. C'est déguisé en SF, mais ça n'est pas. Ouais. Non, mais qu'ils relisent Fairy Tail. Le truc, c'est que le public qui aimait Fairy Tail quand Fairy Tail a commencé, maintenant ils sont plus âgés, donc je suis pas sûre qu'ils veuillent se tourner vers les mêmes lectures, en fait. Tu vois, est-ce qu'ils iraient pas plus vers du Berserk ou vers des trucs vraiment intéressants? Voilà, pour rester dans la fantaisie. Ils le feront lire à leur petit frère. Ils le feront lire à leur petit frère. Bah ouais, enfin, je sais pas. Enfin, même je sais pas du tout. En héroïque fantaisie, t'as d'autres alternatives, quoi. Même en restant dans le shonen, t'as du Black Clover, t'as d'autres trucs, quoi. T'as du My Hero en shonen. My Hero Academia, voilà. C'est vraiment bon. Levius, c'est en seinen. Ouais, oui, c'est du seinen. Et puis, quitte à voir, c'est pas le même niveau. Il y a aussi Bestiarius qui est très bien. Oui, Bestiarius, c'est génial. Non, mais non, là, je recommande pas. Donc, Eden Zero, pas sous le sapin. Non. Non, du tout. Dans la cheminée. Pour nous réchauffer. Ah, heureusement qu'ils ont pour fait réchauffer nos cœurs. Le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir du réchauffement. C'est ça. Heureusement qu'ils ont fait une édition classique, hein, parce que sinon, voilà, ça aurait été chiant en plus de mettre des moyens dans le dans les pages couleurs. Pourquoi chiant, les fans, ils ont acheté les deux volumes, voilà. C'est vrai que un truc super classe, mais dedans t'as la déception ultime, quoi. Tu dis bon, bah, tu sais, t'oses même pas le mettre. Voilà, le truc il est en avant, c'est. Bon, si on passait à quelque chose qu'on a un peu plus apprécié. Ah ouais. Si nous parlions de Deep Sea Aquarium. Magnell. Ouais. Que tout le monde a lu. Oui. Deep Sea Aquarium Magnell, édité par Vega, donc nouvel éditeur sur le marché français. Oui. Écrit et dessiné par Kiyomi Sugishita. Qui veut nous en faire un petit résumé? Ouais, je veux bien. C'est un jeune homme qui bosse dans un aquarium à nettoyer le sol, à faire le ménage et tout ça, et qui est passionné de poissons à tel point que peut-être qu'il va se faire une place. Dans l'équipe des scientifiques. De poissons des abysses. Et des poissons des abysses. C'est pas assez répété, il faut vraiment, genre, le poisson des abysses, quoi. Oui, ça, c'est un petit peu... Et c'est, d'ailleurs, il y a beaucoup aussi... Enfin, il y a des panneaux extérieurs vitrés qui permettent de voir directement les grands animaux des abysses à travers les vitres extérieures. C'est très tranche de vie. C'est, comme récit. Il me semble que tout le monde a plutôt apprécié. Ouais. Bah c'est super contemplatif aussi, parce que comme ça se passe dans un aquarium géant et niveau mondial, c'est celui qui est le plus ancré en profondeur, donc on a vraiment des espèces hyper rares et hyper imposantes. On se retrouve avec des belles planches, Visuellement c'est très joli. Ouais. Des jolis poissons. Des pour être grossier, quoi. Des jolis poissons. Sans que les mecs se sont documentés aussi pour faire le manga. Avec toutes les explications. Comme très souvent dans les mangas. Souvent les mangakas se renseignent à fond, quoi. D'ailleurs, les bestioles, on les reconnaît bien. Il n'y a pas de problème. Et les explications, je veux dire, on avait parlé une fois, c'était pour Tanya's et Evil, où on parlait des encarts qui étaient dégueulasses. Avec les explicatifs qui étaient trop... Là, l'explicatif tombe au bon moment, et bien, t'explique de façon claire en quelques lignes, et c'est bon, on passe à autre chose, on continue. Tania, bah, et puis, histoire d'une petite Fräulein qui découvre la vie. Ah, c'est une petite fille arienne. Quelle horreur. Qui faisait enfer son pays. Là, parce que très souvent, dans celui-là, les explicatifs sont à interchapitre. C'est pas dans le chapitre. Oui. Donc c'est plus appréciable. Voilà, ça casse pas l'histoire en plein milieu. Et quand il y a une explication, bah, elle est intradigétique. C'est vraiment le scientifique qui va expliquer tout de suite, bah, ça se passe comme ça et tout. Le jeune aussi qui... Pourquoi tu me regardes, c'est le mot intradigétique qui t'a mis dans cet état. Non. Le jeune aussi qui prend ses observations, enfin qui étudie par l'observation les comportements des animaux, des abysses, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et ça, c'est intéressant tout ça. Bah, c'est un vrai passionné, et puis tu le sens au fil de la lecture, quoi. Il essaye un peu, via le personnage, de transmettre un espèce d'intérêt sur le monde aquatique, et c'est plutôt chouette, quoi. Parce que le côté tranche de vie, ça fonctionne, quoi. Du coup, le mélange... Tu te laisses porter dans ta lecture, quoi. Le chara-design qui est pas déconnant, c'est plutôt bien dessiné. Ah, c'est le niveau très visuel, très... Voilà. Même niveau mise en page, je trouve ça très sympa. C'est une lecture reposante. Et le lieu, on y croit. C'est-à-dire le plan, la façon dont c'est structuré, on y croit. Après, il faut aussi dire que la couverture est très jolie et de très bonne qualité. Oui. C'est pas... Justement, j'étais en train de les comparer avec la couverture d'Eden Zero qui est... Non, c'est un peu triste à dire, mais Eden Zero, il est classique. Alors que le... Macmail. Ouais. Il est glacé, il est vraiment... Enfin, tu peux même les... tu peux même porter sur l'intérieur... Enfin, la globalité de l'édition, quoi. C'est les trois titres qu'ils ont fait. Les trois titres Vega. On va les enchaîner, quoi. On va les enchaîner, les trois titres Vega, à la suite. Ouais. C'est super, ils ont créé un style aquarelle en plus. Un gros Vega sur le fait que c'est un nouvel éditeur. Hein ? Sur le fait que Vega, c'est un nouvel éditeur. Oui, je l'ai dit en ouverture, oui. Ah bon ? Oui. J'ai pas fait gaffe, désolé. Enfin, bravo à eux, parce que là, je veux dire... jamais. Il y a que Hans qui m'écoute. Pour des débuts en éditeur. Pour des débuts en éditeur. Depuis septembre, du coup, ils sont arrivés. C'est ça, c'est un titre de septembre. Les trois premiers titres sont sortis en septembre. Au prix de 8 euros. C'est 8 euros le tome. Tout rond. C'est 8 euros le tome, ouais. Ah, ok, d'accord. C'est un petit peu cher quand même. Pour cette série-là, c'est 4 tomes pour l'instant en cours au Japon. Bah, toujours en cours. Le deuxième, il sort l'année prochaine. Il sort en février, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Pas bon. Recommandation. Recommandation de toute l'équipe. Ouais. C'est vraiment une bonne petite lecture détente. Tout ouais. Public aussi. Oui. Ça c'est oui. Important à préciser. Un enfant peut le lire sans problème. Limite ça le passionnera quoi. Il dira ah c'est trop bien les créatures marines. Voilà. Mmh. C'est... Une petite référence à One Piece à la fin, si vous avez fait attention. Pas du tout. Pas du tout. Ça se trouve je l'ai repéré mais j'ai pas. Ça te rappelle pas. Oui la lune. Certains cachalots. Super. Oui, ça y est. Un grand cachalot avec des cicatrices du coup sur le devant du crâne qui rappellera certains cachalots de One Piece. Oh. Non, j'ai oublié le nom. Laboon. Laboon, voilà. C'est Laboon ou Lagoon ? Non, je crois que c'est Laboon. Laboon. Laboon, ouais. D'accord. C'est super. One Piece, t'as 15 000 personnages, mais ils te marquent. Voilà. Bah surtout celui-là quoi. Du coup, petite référence subtile, pas comme un certain Mashima. Mashima, je pense que c'est plus du plagiat que de la référence. Ouais, presque. Je cherche un design pour mon perso. Tant personne s'en rendra compte. Tu veux dire qu'il faudrait comme Square Enix. Bon, on va enchaîner avec un autre titre de chez Vega qu'on a malheureusement pas sous la main. C'est Survivant. Un titre plutôt apprécié autour de la table, globalement. Oh oui. Bah, je pense que c'est Sally qui va nous en parler, parce qu'il me semble que c'est toi qui as le plus apprécié. Il me semble. Bon, ok, j'ai bien apprécié aussi, je peux en parler. Oui, vas-y, fais ça. Il veut faire les résumés de tout, en fait. Ouais. Nécro, aujourd'hui. Attends, je vais quand même t'annoncer les auteurs. Ah, c'est bien, tu as pris des notes. Oui, ça c'est celui-là. Oui, alors là, t'es assez naïf. Ça voulait dire qu'on doit préparer sérieusement. Donc, écrit par Saito. On l'avait fait pour le premier. Écrit par Saito. Personne ne me dit, je me suis dit. Écrit par Saito Takao et dessiné par Miyagawa Akira. D'accord. Merci. Du coup, le prénom, c'est peut-être plutôt Akira. Ce n'est pas moi. Sachant que c'est un reboot, je sais pas si c'est le bon terme pour un manga quoi. Non, c'est. Un reboot, remake quoi. Enfin, ouais, un remake plutôt. D'un ancien manga. Beaucoup plus vieux. Ouais. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve suite à une sorte de tempête dans une galerie, de par une observation pendant, je crois que c'est de la spéologie qu'il faut, je me souviens plus. C'est une sortie de classe et puis apocalypse. Voilà. Et il y a une grosse arrivée d'eau qui expulse le gamin sur une île. Et il se retrouve tout seul sur une île. Pourquoi tu rigoles ? Non, rien, c'est visuellement... J'en fais des images un peu étranges. Alors, Issa, mais le seul à ne pas l'avoir lu autour de la table. Hein. Ah oui, d'accord. Petite précision. Donc, il se retrouve à se réveiller sur une île où il n'y a personne, où il y a des animaux sauvages, où il commence à faire faim, où il commence à faire froid... Et personne, il a aucun moyen de contacter les gens personne et presque. Il se retrouve. Le Koh-Lanta détourné. Parce qu'à un moment, Denis Brogniart. Non, j'ai connu. Ah ! Ah ! C'est là où il explique. N'est-ce pas ? Il faut que tu ailles voir le sage là-haut. Et le sage lui dit eh ben, il faut que tu bois ta propre. Faut que tu boives ta propre pisse. Non, c'est. Donc. Après, on l'a pas déjà tous fait. Il va te voir apprendre. Je pourrais faire un parallèle, je repense à Dr. Stone qu'on avait lu, et là je me dis, si ça avait été bien, Dr. Stone, ça aurait pu donner un truc de ce genre-là. Là, vous êtes critique aujourd'hui, c'est nettement mieux. Je vous retrouve, hein, vous êtes méchant avec toutes les œuvres qu'on n'a pas traitées avant. Là, c'est nettement mieux. Il y a même un cliffhanger de fin qui est vraiment cool et réaliste. Tout est bien, c'est très bien dessiné, c'est bien amené. le style après, colle Doctor bien Stone apporte histoire. Du fantastique là au survivant ouais. Est réaliste. Après, le seul truc que je trouve bizarre, c'est des fois. C'est fantastique, Doctor Stone. Les explications, des fois, donc là on arrive sur les fameux petits pavés d'explications qui, des fois, sont trop quoi. Ça m'a pas marqué ça par contre. À moi, mon seul reproche que j'aurais sur Survivant, c'est que je trouve que le début va beaucoup trop vite. Ouais. Le personnage, on ne le présente pas. Et du coup, c'est très dur d'avoir de l'empathie pour lui au début, puisque bah en fait, je te connais pas. Ce qui t'arrive, j'en ai un petit peu rien à foutre. Oui, c'est-à-dire que le début, on s'en fout, et puis après, petit à petit, on s'attache au personnage. Il me semble que la fin de la série a été annoncée en 5 tomes. Donc, ouais, mais ça va aller vite. Ça vient pas du fait que c'est un remake. Ça a plus tellement un survivant, je pense que ça continue 15 tomes. La série d'origine est beaucoup plus longue. Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait tout qui passe super vite, c'est pas dû au fait que c'est un remake, que les Japonais ils savent déjà. Ils connaissent le matériau de base. Ouais, après, c'est le suspense. C'est-à-dire, quand tu fais un remake, tu reprends à zéro. Faut pas que ça dépende de l'œuvre d'origine. Tu veux dire comme les Spider-Man? Je sais pas. Ah non, mais c'est pas faux, Marc. Oui. Après voilà, moi c'est mon seul reproche, visuellement c'est super beau, le dessin est très dynamique, les émotions passent bien, c'est vraiment cool. Il y a un gros aspect organique au début quand il est enfermé dans la grotte, t'as vraiment l'impression que la grotte va essayer de le bouffer. Puis t'as vraiment t'as l'impression qu'il va être réhappé à nouveau ou quelque chose comme ça, c'est... il y a vraiment un côté angoissant, claustro au début. Même le plan sous la mer aussi, avec les arbres et ce qu'il découvre sous la mer, c'est vraiment Il y a un plan halluciné, il y a un plan halluciné où vraiment on se dit mais attends, je suis où là? On a l'impression que c'est en train de dériver vers de la SF apocalyptique ou un truc comme ça, alors qu'en fait non, c'est ça garde son chemin. C'est bien foutu. J'ai vraiment bien aimé Survivant, je trouve ça vraiment cool. Je pense que c'est mon Vega préféré. Vega qui a réussi un doublé gagnant, du coup. Un triplé gagnant. Un triplé gagnant. Avec le troisième qu'on va aborder. Ouais. T'as pas beaucoup entendu sur Survivant, Alexandre? Bah, comme d'habitude, vous avez tout dit. Non, l'aspect graphique, ça m'a beaucoup plu aussi. C'est vachement brut, ça colle bien à l'aspect survie. Côté du personnage, toi, ça t'a plutôt... manquer le background, moi au contraire ça m'a pas du tout manqué, justement je suis dans la peau du personnage, je me dis je suis perdu, je sais pas ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, tu vois ce qui lui est arrivé avant, à la limite on s'en fout pour l'instant quoi. Là t'es vraiment dans l'aspect survie, qu'est-ce que je dois faire en premier pour survivre, allumer le feu, truc. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il apprend de ses revers en fait. C'est qu'il pense que tout va se passer comme avant, ou tout va lui être donné quelque part par la société, et en fait pas du tout, il est tout seul. Et du coup, il va se manger des grosses claques et il va apprendre à cause de ses erreurs. Ce qu'il n'y a pas du tout dans Dr. Stone, par exemple. Dans Dr. Stone, c'est un génie et il arrive à tout et c'est super. Et voilà. Et puis il fait de la lumière. Du coup, t'as aucun suspense, quoi. Y a une scène, y a un passage notamment qui est intéressant, c'est quand il commence à apprendre à conserver du poisson. Oui. Et qu'il se dit, je vais le stocker là. Hein, et puis après, il se casse deux minutes, il revient, il y a des rats qui sont en train de commencer à attaquer le truc. Donc, c'était une mauvaise idée. Oh, c'est ça. Il y a plein de détails auxquels on penserait pas, et l'auteur est ultra réaliste dans le truc. Et... Oui, clairement, c'est encore une série qu'on peut conseiller. Ouais, c'est chouette, ouais. Survivre. C'est le meilleur Vega. Qu'est-ce que tu fais encore là, et ça me veut le lire? Oui, non, mais moi je voulais lire. Il y a eu un souci dans. On sait pas où il est. Dans la transmission des infos. Oui, c'est vrai que lui, on sait pas chez qui il est, donc. C'est logistique. Oh, je l'ai passé, mais je sais pas qui. Hein. Ah, c'est n'importe quoi. Je ne l'ai pas, ça c'est sûr. C'est pas moi non plus. J'ai acheté mes œufs. Ah, toi, tu t'as les œufs. Je ferai ce que ça se trouve. Ça empêche pas de les faire tourner quand on est complètement zappé. Je pensais que je l'avais rendu, mais ça se trouve qu'il est sur mon bureau. On te les a passés. Donc, si ça se trouve, il est sur mon bureau entre deux mangas à moi. Je pense que c'est toi qui les as, parce qu'il y a une période, on songeait à se voir pour que tu me les passes. Et oui, ça t'a fait cher. Et t'as évité. Ouais, elle était obligée de te voir, mais bon. C'est bien, vous savez. Les auditeurs, on les coulisse de comment ça se passe. En fait, entre eux, c'est ça qui part, là. Ils font juste semblant pour l'enregistrement. Et ouais, après, il y aura un peu DVD pourri pour mon anniversaire. Ah, c'est bien, après, faire du yaoi sur nous, ça va être trop bien. Oh, vivant. Putain, non. Elle se frotte les mains. Et Chris s'approcha doucement d'Alexandre, tremblant devant lui. Oui, c'est moi qui tremble. Oui. Et lui, à l'oreille, on t'entend pas depuis le début. Mais d'ailleurs, affirme-toi, mon d'ailleurs, amour. Puisqu'on ne t'entend pas depuis le début, c'est toi qui vas nous parler du troisième titre le chez Vega. Le plus dur à résumer, c'est sympa. Pourquoi il n'a pas de... Comment ça, c'est dur à résumer? Parce qu'elle s'abîme, donc pour l'instant, elle a été mise de côté. Oui, c'est parce que c'est un exemplaire que j'avais eu abîmé. D'accord. Tu peux en attester. Des... Donc tu vas nous parler de Peliliu. Ah oui, en effet. Ouais. Donc toujours édité par Vega. Oui, et l'auteur est Kazuyoshi Takeda, avec le concours de monsieur Masao Hiratsuka, qui est un, bon, pour être grossier, un expert sur cette période historique de guerre, ouais. Voilà. Et donc, bah, le sujet est tout simple, c'est la guerre entre les Japonais et les Américains sur l'île de Peleliu. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on suit donc le quotidien de jeunes soldats japonais qui vont se retrouver peu à peu acculés par l'armée américaine sur cette île. Et donc, bah, on va voir un peu tous les aspects de la guerre, aussi bien bons que mauvais. Dans les côtés bons, je citerai plutôt la cohésion d'équipe, toute la bonne entente, en fait, la camaraderie, quoi. Et évidemment, bah, dans les mauvais côtés, ça va être tout l'aspect horrifique de la guerre. Avec des choses très intéressantes, ouais. Et qui étaient vraiment, je veux dire, c'est du témoignage extrêmement intéressant, notamment sur les lettres envoyées aux familles, où il y a des choses que j'ai appris là-dessus que je n'aurais jamais pensé. Et puis c'est brut de décoffrage, quoi. Ouais. Quand les scènes de guerre et horribles arrivent, elles arrivent, mais d'un coup, quoi. Surtout que ça dénote. Ça dénote beaucoup avec le choix graphique de l'auteur qui représente ses soldats. Bah, c'est des chibis. Ouais, c'est des chibis, ouais, si, ouais. L'horreur racontée avec des chibis. Des petits chibis avec des armes dans les mains, quoi. C'est sympa, quoi. Voilà. C'est le Happy True Friends sympa, des mangas de guerre, quoi. Mais voilà, là, c'est du vrai témoignage en même temps. Donc, ouais, c'est d'autant plus marquant. C'est parce qu'il a vraiment fait la guerre, l'auteur ? Non, je crois qu'il part sur une base de des expériences de son père ou son grand-père. Il a eu un carnet, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Puis après, il a contacté l'historien, je crois, et du coup, ils ont fait un truc ensemble. C'est ça. Basé sur les notes d'un de ses proches parents, quoi, qui a vécu l'horreur de la guerre, justement, sur cette petite île. C'est de la reconstitution, quoi, je pense. Parce que du coup, c'est une bataille qui a vraiment eu lieu. D'ailleurs, fait intéressant, il y a alors je crois que c'était effectivement un japonais qui s'est retrouvé un moment tout seul sur une île et qui était persuadé que la guerre continuait, mais pendant des décennies. Ah, mais c'est un bataillon. On en retrouve encore aujourd'hui, des soldats comme ça. Et en fait, il était persuadé, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrivait près de l'île, il tirait dessus, quoi. Jusqu'à ce qu'ils aient dû retrouver son ancien sergent instructeur qui, entre-temps, travaillait dans une petite boutique. De façon à lui expliquer, oui, la guerre est finie. Tu peux arrêter de tuer des gens. Hey, c'est des gens impliqués. Hein. Donc là, maintenant, on peut parler de Tiercé gagnant. Oui. Oui. Pour les éditions Vega. Ah oui, là, c'est bravo. Ouais, Vega, c'est plus peut-être fort que toi. Mettre entre toutes les mains. J'ai pas osé la faire tout à l'heure. Peut-être pas mettre entre toutes les mains. Non, clairement pour, pas. Pour les enfants, je suis pas sûre que ce soit. Malgré le côté graphique qui est mignon, enfin. Si vos enfants ont aimé Rémi sans famille. Le tombeau des lucioles. Et bah du coup, ils pourront regarder ce manga sans problème. Non, mais tu mets ça, je sais pas, au collège. Oui, au collège. Ouais, bien sûr. Mais collège, c'est juste que ça peut, pour quelqu'un qui est pas averti, le côté graphique est quand même très enfantin, tu vois. Donc c'est. Oui, pas un dur en erreur, si tu veux. Je vais faire ça à mon enfant. Oui, je vais. Dans ce que vous en dites, je l'ai pas vu non plus celui-là. Niveau ambiance, j'ai l'impression que ça peut rappeler un peu le truc qui avait fait Tardi sur son père. René Tardi, prisonnier au Stalag, machin truc. Alors celui-là, je l'ai pas lu. Alors, je connais pas. Peleliu est un petit peu plus détente. Parce qu'il y a des moments vraiment sombres dans Peleliu, mais quand ils sont entre soldats, c'est plutôt à la bonne franquette, quoi. Bah, c'est plus dans le tome 2 que ça devient vraiment sérieux business, parce qu'ils sont vraiment acculés par l'armée américaine, et là, c'est vraiment, il y a des morts en masse, quoi. Au Japon, pour l'instant, c'est 5 tomes. Spoiler, excusez-moi. Oui, pour l'instant, 5 tomes, et non, de ce que j'ai lu, la fin arrive aussi. Bah, a priori, ça peut pas être interminable. Oui, hein, clairement pas. C'est... Sinon, il y a aussi toute une histoire avec son père qui est mort de façon héroïque, si je me souviens bien, ou son grand-père, où il y a un moment où il repense à ça en voyant ça sous un autre angle. Et ça aussi, tout ça, c'est intéressant à explorer. Sur qu'est-ce que c'est l'héroïsme, finalement qu'est-ce que c'est avoir un nom dans la famille, enfin c'est bien, c'est très complet, ça se lit tout seul, et effectivement on apprend l'horreur, c'est l'horreur de la guerre, quoi, c'est tout. On apprend au cas où tu ne le saurais pas, la guerre c'est horrible. Ah non, mais tu files ça à un collégien. Ça va. C'est ah, bon, t'as pris la mauvaise voie là pour dire ça par contre. Mais non, mais ils sont devenus soldats, ils l'ont cherché un peu. C'est comme les manifestants, hein, ils les attendent des tirs de flashball. Ouais, mais bon, hein. La collégienne là qui faisait son sourire niais devant le. Bah voilà, hein, le flashball. Ouais, dans sa gueule. Et bah elle sourira plus, hein, parce que... la grand-mère qui fermait ses volets, hein, bah, elle avait qu'à les fermer avant. Oh, elle avait 80 ans, hein. Tu sais ce que ça nous coûte en retraite. Mon dieu. Alors, je remercie les CRS. Oh putain, je ne valide pas du tout ces propos de droite. Voilà, Pick up à tous les CRS. Ce podcast sortira l'été prochain quand la sphère se sera un peu tassée. D'ailleurs, je remarque que Sally n'a pas mis son gilet jaune. On va la virer. Non, la pauvre. Non, faut qu'elle reste, elle nous ramène des gâteaux, attends. C'est vrai. Elle est en rouge, ça va. C'est le symbole du communisme, ça. Ça équilibre. Ouais, une étoile. Ça contrebalance. Ouais, il y a une étoile, aux yeux rouges. Voilà, ça fait un peu penser à l'étoile rouge. C'est bon. On va refermer la parenthèse Vega en conseillant les trois titres au final. Ouais. Oui. Franchement, excellent. Bah, ça me donne bien envie de lire les deux autres. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant ? Oui. Mais j'en ai déjà envie. Mais perso, j'arrive pas à dégager de préférence. Les trois titres m'ont bien plu. Ils ont tellement des directions différentes que en fait, on les met pas dans le même sac. Ouais, bah, j'ai pas mis de préférence pour Peliliu, mais c'est tout. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont bien décoller comme éditeur, parce qu'il leur manque peut-être à ce stade-là à Vega un gros titre, parce que c'est trois titres quand même relativement petit public. Là, par contre, ça bide. Hein. Là, les chiffres, ils sont tombés, ils sont pas bons. Hein. C'est moins de 500 exemplaires par bouquin. Hein. Bah, Vega, depuis, ça a un peu augmenté. Quand même. Bah, depuis, ça a dû augmenter, mais oui. Mais pas de manière conséquente. C'est dommage parce que. Il leur faudrait une tête de gondole. Hein. Enfin, là, un récit sur la guerre, sur un survivant, un récit sur les poissons. Tu vas à la FNAC et tu fais le crieur. Oh non, mais voilà, il leur manque peut-être un manga pour tirer tout le reste, ouais, pour attirer l'attention sur eux au début. C'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Ouais, voilà. Des jeux sur un marché hyper saturé. Ouais. Un manga érotique. Surtout que ces titres-là, pour moi, ils n'ont pas du tout un creux de l'intérêt. Quoi. Enfin, je veux dire, ils pourraient très bien être des têtes de proue, comme tu dis. C'est juste que le public n'est pas là, quoi. Ah, mais ça, ce serait édité sous Cana. Ouais, c'est ça, et puis il y a le marketing aussi derrière. Déjà attention à ces éditeurs. Voilà, non, mais je veux dire, ils marcheraient beaucoup mieux parce que. Oui, parce que c'est des éditeurs qui ont pas la gueule. Donc j'espère. Non, mais on leur crache pas la gueule. Tous ceux qui les ont lus en disent du bien, j'ai l'impression, de ces titres. Oui, parce que je veux dire, c'est que soit un gros éditeur, ça choquerait pas, et puis tu dirais, ah bah c'est cool, parce qu'ils sont vraiment cool. Il faut qu'ils trouvent un truc pour attirer l'attention sur eux, disons. Et j'espère vraiment qu'ils vont trouver. Un manga avec des nanas et des gros nichons. Oui, c'est ce que je disais, par exemple. Les gens. Mashima, il fait quoi après Event Zero? Je pense que Mashima, il va rester chez Pika jusqu'à la fin de sa carrière. Hein. D'ailleurs, Event Zero pronostique combien de tomes à peu près? Zéro. Un. Bah, trop tard. Dommage. Je pense que la série va durer un an ou deux, donc 54. Le mec super productif. Avec un numéro spécial Noël, quoi. C'est ça. Le mec qui meurt à la fin. J'ai été trop productif. Non, parce que si jamais ça marche pas trop, sûrement qu'il va être forcé. Après, peut-être qu'au Japon ça cartonne. Moi je pense que ça cartonne là-bas. Il en a fait combien pour Rêve? Il en a fait combien pour Fairy Tail? Tu crois vraiment qu'il va faire Rêve? Rêve, il y en a pas tant que ça. Attends, il y avait 30, non? Non, c'est entre 20 et 30. Oh non, non. Moi je trouve que ça dépasse les 30. Dedans, il y a Lucie en femme chat avec les cheveux un peu différents, avec plus de seins. Non, ça peut que marcher au Japon. Oui, il me semble bien qu'il y en a beaucoup. Par contre, avant, il a fait pas mal de petites séries. Ouais, bah oui, bon, ça va. Faut bien débuter. Voilà, comme beaucoup d'auteurs. Mais c'est un peu la tristure quand même. Je pense que Eden Zero, il est parti pour au moins faire plus de 20 tomes. Oh la vache. Il doit y avoir matière à faire, attends. Oui, non, mais le YouTube game est immense. Il y a matière à faire. Il y a matière à faire, mais si jamais personne ne suit, il va être obligé d'être arrêté. C'est ses éditeurs qui vont lui mettre des stops en disant écoute, fais autre chose parce que ça marche pas, quoi. Tu vois. Oui. Donc c'est surtout par rapport à ça, mais comme on connaît pas le. Ouais, faut voir l'intérêt que c'est. L'intérêt qu'il y a eu au Japon. Local, quoi. Dans le tome 3, il parle des abus des youtubeurs sur leurs fans. Il y a l'article 13 qui arrive. 35 tomes arrivent, effectivement. Tu vois, il y en a beaucoup. Je voyais ça plus. Et puis Fairy Tail, ils ont dépassé combien? 60 non 64. 64. Ouais, c'est énorme. Attends. Enfin, ça va, l'article 13, on s'en fout. Ça reste moins que Naruto. Hein. Juste faire des blagues sur les planètes. Ouais, mais Naruto, c'est presque l'œuvre d'une vie, quoi, limite. Ah, ouais, mais non, parce qu'ils préparent une autre série. Oui, non, mais. Ça a pas commencé l'année. Hein. Non, pas encore. Ouais, mais c'est. Il a travaillé combien de temps? Dessus 20 ans. C'est sa grosseur. Ouais, Fairy Tail, ça a duré combien de temps? Moins de 10 ans. Oui. Et Rêve, je pense que c'est moins de 5 ans, hein, ou 5 ans. Je sais pas. C'est pas. Pour moi, ça se compare pas, quoi. Même si Naruto, c'est. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Naruto. C'est quand même bien supérieur. Oui, c'est supérieur, oui. Voilà. Le frère Kishimoto, à part Satan Suicide 66, il n'a rien fait de marquant. Ah non. Il a fait d'autres séries, mais. Peut-être assistant. Pour le coup, je trouve ça. C'est pas top, mais je trouve ça meilleur que Naruto. Ouais. Je trouve que Naruto, il y a vraiment des. Vraiment des très bons moments, quoi. Il y a des très bons moments. Honnêtement, j'ai pas insisté plus de 5 tomes Naruto. Je repense à l'arc. Les combats juste avant l'arène, donc les éliminatoires avec le combat contre Gaara, c'est excellent. C'est trop bien. Mais... Et toute la poursuite de Sasuke qui vient de se faire enlever avec tous les... Ah non, ça devient chiant. Non, mais tu sais, avec... L'arc est un peu long, mais sinon, c'est pas mauvais. C'est avec les combattants qui ont la marque... Là, t'as vraiment quelque chose, quand même, le message de... t'as laissé les moins forts derrière et tout, machin. Non, j'ai laissé les plus forts. Ce qui est chiant dans cet arc-là, c'est qu'il nous fait croire que tous les personnages meurent, alors qu'en fait, non. Quoi. Ouais. Voilà, ça, c'est chiant. Mais sinon, toute la partie... C'est tellement shonen, quoi. Toute la partie début, justement, les combats sont vraiment cool et créatifs. Ce qui m'a vraiment fait chez Naruto, moi, c'est que j'aimais pas les persos, en fait. Il y en a aucun auquel je m'attachais. L'arc Zabuza, c'est un arc... Plein de shonen confondus, c'est un putain d'arc. Ouais. Ouais. Voilà. C'était la petite parenthèse Naruto. Le petit moment de nostalgie Naruto. Maintenant, il y a Boruto et tout le monde s'en fout. Ouais. Bah oui, parce que c'est... Enfin, faut laisser mourir les licences, faut passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Faites comme avec Dragon Ball, quoi. Laissez-la mourir indignement. Mais non, ils ont pas fait ça, en fait. Ils continuent de torturer le cadavre. Donc, la suite, maintenant, de quoi on va parler? Ben, je pense qu'on va parler un petit peu comics, histoire de changer un petit peu. Les fans de comics vont être un peu vont rester sur leur fin. Il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci, il n'y en a que 3. Alors on va parler de Brigands et Dragons. Il y en a 3. Il y en a 3. Je savais qu'il y en avait qu'un. Non, parce qu'on va aborder. On va en aborder d'autres avec Alex. Mais pour l'instant, on va parler de Brigands et Dragons, édité par e-comics. Et au niveau des auteurs, au scénario, nous avons Sébastien Girnet et au dessin, nous avons Galad. Il y a une troisième personne qui est citée sur la couverture. Ouais, toujours. Mais oui, si, c'est le lettrage original. Qui est Jeff Powell. Jeff Powell qui s'est occupé du lettrage dans la version originale du manga, du comics. Et c'est très bizarre. Et c'est très bizarre qu'il soit indiqué sur la couverture, ouais, mais. Ouais, moi je trouve ça respectueux. Du lettrage. Oui, mais c'est respectueux, mais du coup, du lettrage original. Donc, on n'a même pas de marque de son travail. Ils ont travaillé en cohésion avec lui. Peut-être. Parce que là, ça se trouve, ça a vraiment été fait. Mais c'est vrai qu'on n'a aucune indication dans le bouquin. C'est vrai. C'est triste. Du coup, on l'achète pas. Et quand. Et quand je dis aucune indication, avec une indication, t'as même pas de biographie des auteurs. J'ai galéré pour trouver qui c'était Powell. C'est édité par e-comics aux US, ça c'est bien indiqué, mais voilà. Brigands et Dragons... Non, Image, tu veux dire. Ah, Image, oui. C'est édité par Image aux US. Oui, qu'y a-t-il ? Non. Lis ton manga et tais-toi. c'est de l'heroic fantasy, très classique. Un peu enfantin. Tu trouves ? Je trouve. Mais c'est pas péjoratif, hein ? Non, clairement pas. Un peu enfantin. Où on suit une jeune brigand qui va rejoindre... un groupe qui escorte le roi d'une contrée qui, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il fout là. Et je crois qu'il doit faire une sorte de quête de maturité pour prouver sa valeur. Oui, et donc pour devenir le roi de sa propre contrée. Voilà, le roi des pirates. En fait, le gros problème avec Brigands et Dragons, parce que la lecture sur le moment est pas dégueulasse, c'est que tout manque d'originalité. Le mec, t'as l'impression qu'il veut développer un univers d'heroic fantasy, mais il apporte rien de nouveau, en fait. Je sais pas si c'est votre ressenti aussi. Oui. Mmh. Bah, moi, ça m'a fait un peu le même effet. Pourquoi tu fais justement ? Qu'un truc qu'on avait lu il y a quelques mois, le donjon machin, le donjon nocturne, celui avec le Batman médiéval. Un truc édité par Glénat dans leur nouvelle collection Login. Ouais, c'est ça. Mmh. Le truc avec un format souple. Le même format que les Riverdale. Ah, mais j'ai pas dû le lire celui-là. Non, je crois que j'étais le seul à l'avoir. C'est la même chose en fait. Ça fait vraiment très partie du jeu de rôle. Et. Bah, j'aurais le même reproche, c'est sympa, je retrouve une ambiance que j'aime bien, mais à ce moment-là, quitte à retrouver cette ambiance, je préfère faire une soirée jeu de rôle avec des potes et des bières. En fait, c'est un titre compliqué à aborder parce qu'il n'y a rien de nul, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Donc est-ce qu'on peut vraiment conseiller, surtout aujourd'hui où les titres d'heroic fantasy, y en a énormément et de bien meilleure qualité, quoi. Que ce soit un manga ou un comics en plus. On est peut-être pas la cible, j'en sais rien. Parce que moi, clairement. Est-ce qu'il y a vraiment une cible ? Oui, des nouveaux lecteurs, peut-être des jeunes lecteurs qui vont se lancer dans l'Heroic Fantasy. Dans l'Heroic Fantasy. Il y a rien de trashouille, c'est assez enfant, effectivement. Des enfants. Un jeune. C'est vrai qu'une personne qui n'a pas lu beaucoup de fantasy ne se rendra pas forcément compte du côté hyper cliché. Ça fait de la jeunesse, hyper en fait. Convenu du machin, donc ça peut être une bonne entrée dans la fantasy. Visuellement, par contre, c'est chouette. Enfin, j'aime bien le style visuel. Oui, c'est mignon. Mais il y a de bonnes couleurs et tout, j'aime bien. Ouais, la colorisation est chouette, ouais. Mais c'est vrai que ça fait très... Parce que là, je regarde un peu les décors, le village, les personnages, tout ça, machin. Et ça fait très MMO. Enfin, c'est... Pas trop à porte, sinon le chat peut pas passer. Qu'il aille aux toilettes. Ça fait très MMO. C'est ça. Donc c'est... Ouais, limite, ça peut plaire à des jeunes. Un ado, ça peut lui plaire. Ouais, nouveau lecteur. Ouais, je pense que le nouveau lecteur... Ouais. Oui, parce que c'est pas honteux. Hein. Il faut bien des titres comme ça d'entrée aussi dans chaque éditeur. Bon, par contre, effectivement, quelqu'un qui s'est tapé genre les chroniques de la Lune Noire ou des trucs comme ça, enfin, je veux dire, tu lui donnes ça dans les pattes, bon, c'est mort, quoi. N'importe quel livre de Robin Hobb. Oui, donc tu disais, il faut bien qu'il y ait des titres comme ça, un petit peu entrée de gamme chez tous les éditeurs. Mm-hmm. Mais ce qui est très étrange, c'est que ce mois-ci, e-comics sort également du comics Donjons et Dragons qui est très réputé. Oui, mais là, ça s'adresse plutôt aux lecteurs avertis qui sont même fans de ça, quoi. Parce que, enfin, je l'ai pas lu, le livre Donjons et Dragons, mais je pense que c'est des choses qui creusent l'univers, non ? Oui. C'est l'adaptation des romans tristes, c'est ça ? Donc là, tu t'adresses vraiment à des fans, quoi. Et à la fanbase directement. À la fanbase Donjons et Dragons, je pense, ouais. Du moins, ça enfonce pas l'univers comme le c'est film. C'est la licence, donc... Ouais, non, pour le coup, Drist, alors je les ai pas lus moi-même, mais ça a extrêmement bonne réputation, donc roman. Attends, je les ferai tourner, enfin je ferai tourner le comics. Tu l'as lu ? Bah non, pas encore, mais vu qu'on l'abordera au prochain numéro. Ouais, mais ça c'est. Ouais. Je repensais au film Donjons et Dragons qui avait été une catastrophe. Non, t'es pas obligé d'y penser. Hein. Il y a eu un film Donjons et Dragons ? Ouais. Ouais, il est très mauvais, ne le regarde pas. Hein ? Il est vieux ? Début années 2000, je dirais. Ouais, début années 2000, ouais. Et mauvais doublage. Ouais, tout le monde dit que c'est de la merde. J'ai été bon au cinéma. Ah merde ! Pourquoi ? Parce que j'avais une carte illimitée à l'époque. Ah. Pourquoi t'es allé voir à la 2, toi ? Ouais, pourquoi t'as été voir à la 2 ? Oui, non, ce monsieur a été voir à la 2. Donjons et Dragons, je me posais la question, vu qu'il il connaît pas l'univers, il joue pas, donc je me demandais pourquoi il allait voir le film, c'est tout. Donc, il a pas le droit d'aller voir le film. Non, c'est juste avec la curiosité. Enfin, Donjons et Dragons, l'univers est tellement commun que. Enfin, je veux dire, maintenant ça fait limite tout ce qui compose Donjons et Dragons, limite ça fait partie de la culture générale, quoi. Donc, même si tu connais pas. En même temps, Donjons et Dragons a un peu mangé à tous les râteliers à l'époque. Ouais. Disons que tu galères plus si jamais tu vas voir le film Warcraft, quoi. C'est un peu plus délicat. Oui, bon, j'ai vu à la 2, ça va. J'ai vu aussi Lola et ses frères, ça va, j'ai fait amende honorable au cinéma français. Bon, on n'est pas encore dans les guerres des claves. Eh ben, en vrai, au lieu de parler de vos merdes. Eh ben, on fera ça la semaine prochaine, si tu veux. Oh, sale gosse. Et donc, on va faire sur les films suicidaires. Donc, ça va être trop bien. Donc, Brigands et Dragons, c'est ni inconseillable, ni forcément conseillable. Sauf à la limite, pour des plus jeunes qui voudraient découvrir leur Ouais, voilà, je pense que c'est un joli cadeau de Noël que tu peux offrir à ton cousin, ton jeune cousin, ou ton petit frère, j'en sais rien, moi. Ah, mon frère, il s'en foutrait. Hein. Ton frère, tu lui offres un chat comme ça, il l'est pas. C'est ça. Bon, sinon, je continue. Visuellement, c'est sympa, en tout cas. Ouais. Ça, c'est le truc qu'on peut pas reprocher. Un bon travail éditorial, comme toujours avec e-comics. Comme toujours avec e-comics. Ouais, et encore, comme on l'a dit, il n'y a pas de biographie d'auteur. Là, t'as que les couvertures originales. Bah, je pense qu'ils n'avaient rien non plus. Quoi. Enfin, ils n'avaient aucune... rien. Non, je pense qu'ils n'avaient aucune source d'infos non plus. On trouve même dans les trucs, même dans les documents anglais sur le comics, on trouve assez peu d'infos. En t'as Sullivan, il était aux US, il est tombé sur le TP, il a fait « Oh, j'achète je vais publier ça en France !» Non, c'est la mort qui est arrivée, qui l'a posé sur sa table et s'est séparé. C'était en bundle avec autre chose. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. C'est un bundle. Plus, Avec un autre truc e-comics. Ouais. Non, je sais pas, je trouve ça sympa. Visuellement, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah rien, j'aime bien. Et donc ça te fait rire. D'accord. Ok. La meuf qui rigole dès qu'il y a un truc qui lui plaît. Oh, tant mieux. Au cinéma, ça doit être insupportable. Bah, bon. Ça serait inquiétant, du coup, si elle riait en regardant des films de Schumacher Batman. Bon, pourquoi ? Bah, si c'est quand il y a quelque chose qui lui plaît dans le film qui rigole, ça c'est... Ah, je l'entendrais rigoler, je dirais, oh la vache, qu'est-ce qui t'a plu, là ? C'est très drôle, les Batman de Schumacher. Issam, est-ce que tu voudrais pas nous parler rapidement, parce que tu es le seul à l'avoir lu, de Real Girl ? C'est édité par par Pika et c'est dessiné et écrit par Mao Nanami. Mao Nao. Le Mao. Oui, Mao Nanami. Oh. Et c'est terminé en 12 tomes au Japon. C'est un extrait du livre rouge qui a été transformé en manga. C'est ça, c'est le livre rouge en manga, c'est sympa. Alors donc, du coup, Issam, tu es le seul à l'avoir lu autour de cette table. On peut remercier Pika de nous avoir envoyé... les PDF. Les PDF. Putain. Quoi? Quoi? Elle est en train de lire. Non, j'aime pas du tout les PDF. Les PDF avec écrit en gros dessus épreuve non corrigée sur toutes les pages. En rouge. Ce qui est très perturbant. Ouais. Ce qui est très chiant. Alors je m'excuse d'avance parce que c'est un souvenir un peu lointain, ça fait un an que je l'ai lu. Mais c'est l'histoire d'Ikari Tsutsui. Ah, c'est un auteur qu'on connaît. L'auteur de droite dont on parlait à l'arrière. qui est en fait un otaku assez lambda, c'est-à-dire que il se passionne que pour les jeux vidéo, il a qu'un pote dans le lycée, et ses rapports humains, et surtout avec les filles, c'est surtout à travers des jeux de drague. C'est un petit peu ta vie alors du coup. Non, je fais pas de jeux de drague, ou alors ça tourne mal quoi quand j'en fais. Ah non, mais c'est l'auteur de Hunter x Hunter du coup. Je ne veux pas, il est pas marié. Hein? Mais si, il est marié en plus. Ouais. Il est marié à l'autrice de Sailor Moon. Ah non, parce que c'était le côté jeu vidéo. Du coup, il a pas marié avec les femmes. Bah, en tout cas, il a pas que les femmes virtuelles. C'était ce qu'ils sous-entendaient. Non, en plus, c'est l'autre. Mais non, c'est l'auteur de Berserk en plus. Ah, l'auteur de Berserk qui joue à Idolmaster. Je joue un peu tout ça. Et oui. Quand il dessine pas des scènes de viol pendant des orgies et des éclipses, il joue avec des masters. Kawaii! C'est vrai, bon! Donc, Ikari Tsutsui, voilà, otaku. Et un jour, il se retrouve en colle avec Hiroa, qui est bon, le cliché de la fille bimbo du lycée, de celle qui est ultra populaire, qui attire tous les regards. Et le truc, c'est que. En fait, ils vont se rapprocher l'un de l'autre, surtout sur son initiative à elle, parce qu'elle va vouloir un peu, on sait pas trop pourquoi, enfin, ou alors c'est expliqué, mais j'ai oublié. Elle va vouloir. Je suis vraiment désolé. Elle va vouloir un peu le sortir de sa coquille, et lui-même va se rendre compte qu'elle a cette réputation, enfin, bref, qu'elle entretient d'une certaine façon, mais dont aussi elle aimerait bien sortir, elle aimerait être autre chose que juste la bimbo du lycée. C'est donc au niveau de l'histoire relativement convenu, hein, on en a eu pas mal des mangas qui se basent sur des, oui. sur des histoires similaires. Après, moi j'avais passé un bon moment en lisant, sans être une lecture extraordinaire, j'avais trouvé les deux personnages principaux suffisamment attachants pour que ce soit agréable à lire. Donc voilà, je vais pas insister plus que dessus, c'est un bon moment, c'est plutôt propre visuellement. C'est terminé en 12 tomes, donc c'est pas trop long. Ouais, c'est pas non plus interminable. Voilà, visuellement, ça donnait quoi? Visuellement, c'est propre. C'est pas hyper original, mais c'est propre. Et ça peut aborder des thématiques intéressantes si ça va plus loin dans son traitement de un peu du rapport entre virtuel et réel. C'était un peu touché dans le premier tome, mais comme c'était de la mise en place, ça allait pas plus loin dans la réflexion. Si ça va plus loin, ça peut apporter une valeur ajoutée. De ce que j'ai entendu, lu des critiques sur Twitter, ça va plus loin dans le second tome. D'accord, bah alors ça peut devenir vraiment intéressant dans ce cas-là. C'est parce que le personnage principal a un côté assez, assez pathétique des fois dans sa manière de se réfugier toujours dans ces trucs virtuels. Dès que le réel lui échappe un peu, dès qu'il perd le contrôle sur le réel, il a tendance à se réfugier là-dedans. Et c'est vrai que si c'est bien utilisé, ça peut être une thématique intéressante, en espérant que ce soit pas traité sur le mode « Ah, les jeunes, ils se réfugient tous dans le jeu vidéo. » Voilà. Ouais, y a les vieux aussi, maintenant. Oui, parce que les jeunes vieux qui se réfugient dans le jeu vidéo. Bah dis donc, tu as faim. Ton ventre appelle, mais il y a de la bouffe autour sur cette table. Hein. Que tu ne l'aurais pas remarqué. Il y a un éclair au chocolat, si tu veux. Il y en a deux. Il y en a un autre là-haut. Il y a une tartelette, il y a des bonbons. Il y a un chat. Je pense que c'est le chat qui va me manger, plutôt. Il y a un qui ouais, il y a des risques. Hein. En tout cas, Issam, tu as terminé avec Real Girl. Voilà, c'est... Ouais, je recommande un peu, si vous cherchez ce genre de manga un peu romantique, avec une psychologie peut-être un peu inhabituelle, sans que ce soit extraordinaire. Je pense que tu vas garder la parole, mais tu vas la prendre avec Sally, pour nous parler de Princesse Détective. Ah. Qui est... ah. Un titre qui apparemment est plutôt... Grand, grand manga. Écrit et dessiné par Mayuki Hanan, et c'est dédié par Nobi Nobi chez nous. Eh ben, que dire de plus que ce qui est écrit dans son titre ? C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui aime énormément Sherlock Holmes et qui va du coup résoudre des enquêtes avec ses petits camarades de classe. Et voilà. D'accord. C'est une mauvaise parodie de Détective Conan ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Ça reprend des petites enquêtes assez simplistes. C'est pas comme Détective Conan où c'est des... Alors, c'est pas pour être méchante envers Détective Princesse, mais c'est des vraies énigmes dans Détective Conan, dans Princesse Détective. C'est un peu plus... on sent en fait que c'est un manga pour les enfants, tu vois, que c'est à destination d'un public très jeune, et qu'il y a toujours le code de genre... Ah maman, je suis une princesse détective, et je vais résoudre l'affaire. Un peu de poudre de perlimpinpin, c'est bon. On peut passer à la partie suivante. Mais c'était marrant à lire. J'ai trouvé ça rapide parce que c'est pas non plus. C'est mignon quoi. Ouais voilà, c'est mignon. Et ça fait passer un bon moment. Si jamais tu le prends pour ce que c'est-à-dire de la lecture pour les enfants. Quoi. Ouais, du coup le problème est, parce que Issam, il me semble que t'es du même avis. Oui. En fait, c'est... le problème, c'est surtout que vous êtes pas la cible. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Contrairement à certains titres pour enfants qu'on a pu lire dans l'émission. Il y a relativement peu de second niveau de lecture ou alors de niveau de lecture assez universel pour pouvoir plaire une fois que... Une fois que l'enfant a grandi, quoi. Une fois que tu deviens vraiment... Une fois que tu entres dans l'adolescence, on va dire, à partir de là, ça devient... Oui, c'est un titre que tu pourras pas relire plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, ça... Bon, après, il y a un personnage fan de Sherlock Holmes, hein, donc ça le sauve un peu. Après, il y a moyen de surprendre les gens. Je veux dire, si à un moment, il y a Princesse Détective contre Jack l'Éventreur, là, ça risque de surprendre. C'est assez étonnant parce que les affaires qu'elle résout, c'est pas juste du vol de bonbons, quoi. C'est des trucs assez... Enfin, il y a du meurtre, il y a des trucs comme ça, il y a des agressions. Il a perdu le chien. Oh. Je me rappelais pas. Je me rappelle qu'il y a un moment donné, elle arrive dans un groupe de ses copines et genre il y en a une qui a tenté d'empoisonner l'autre. Oui, mais il me semble que ça finit à l'hôpital plus que vraiment. Oui, ça finit à l'hôpital. Mais t'as la tentative de meurtre pour une histoire quand même de parents morts. Enfin, c'est super glauque l'histoire quand on fait les voiles. D'ailleurs, ouais, page 30. Mais si tu veux, j'ai vu ça un petit peu comme quand t'as un enfant qui t'écrit une histoire et qui fait, mais dans ce cas-là, genre je veux que tu me donne 1000 milliards d'euros, tu vois. Oui, et c'était un peu genre pour faire genre que le sujet est sérieux, mes parents ils sont morts, c'est toi qui les as tués, ou genre ton père de je sais pas quoi. Voilà, je l'ai vu comme ça en fait. Oui, non, mais c'est un peu ça en fait. C'est vrai que le côté, même des explications des enquêtes font un peu. Ça fait un peu mignon quoi. J'imagine tellement le truc qui part en couille, c'est au début c'est mignon, c'est une histoire de vol de bonbons, et puis vers le milieu t'es là. Alors son sein a été découpé, a été posé sur la table de chevet. Ensuite, quoi, son sein? Quoi? C'est tellement horrible. C'est l'éventreur. Là c'est Jack l'éventreur. Oui, il y a la dernière victime, ça a été Rayon Boucherie. Ouais. Voilà. Boucherie, charcuterie, triperie, t'appelles ça comme tu veux. À ce niveau-là. C'était de la peur, ça. Non, c'est une vraie boucherie. Cette scène. D'ailleurs, fan de Sherlock Holmes, tu as vu que le troisième tome de Moriarty est sorti. Oui, je ne l'ai pas encore pris, mais ça va venir. Voilà. C'était la petite parenthèse. Alors, le deuxième tome était très bien. Il y a l'arrivée de Sherlock Holmes, qui le conflit que ça peut installer entre les deux peut être très intéressant. Tu nous en parleras dans une rubrique vite fait. C'est ça. Vous avez fini avec Princesse Détective ? Oui. Oui. C'était bien, c'est pour les enfants. Qui est une série toujours en cours au Japon, en 12 tomes, pour l'instant. D'accord. Tu sais, il y a bien Détective Conan qu'on est à plus de 100 tomes maintenant. Ah, il n'a pas encore dépassé au Japon. Ouais, ah, il était à 98. Ouais, 98, quelque chose comme ça. Il n'a pas encore dépassé la centaine. Bah, il va le faire. Ouais, ça arrive, hein. Moi, ouais, je savais pas que ça continuait encore. Je me demande quand est-ce qu'il va s'arrêter d'ailleurs. Je sais pas. Bah, je pense que c'est pour bientôt parce qu'on a enfin l'identité. C'est une série qui me rend curieux. Quand même. Cool. J'ai jamais lu, mais ça me rend curieux. Bah, moi, je l'avais commencé. Au bout de 98 ans, mais je l'avais commencé, mais je les avais revendus. C'est bien, hein, mais j'avais pas le temps. Je les avais revendus dans une certaine librairie au gré des vues, il me semble. Ah, c'était tout. Paix à son âme. C'est ça. Non, mais c'est bien. C'est juste que j'avais pas eu le courage de les faire et j'avais déjà assez de séries en cours. Parce qu'il y a beaucoup trop de tomes. Mais les enquêtes sont très chouettes. Bah, ça même partie, si au bout d'un moment, je trouve que quand tu les lis tous d'affilée, il peut y avoir une certaine redondance, quoi. C'est toujours le même schéma narratif, donc ouais. je pense que c'est vraiment prévu pour être lu semaine par semaine et pas 50 tomes d'un coup. Ouais, c'est ce que j'avais fait en fait. J'avais lu les 40 ou 50 premiers tomes d'un coup et à la fin ça m'avait un peu dégoûté. Surtout qu'en plus il y a certaines énigmes, genre surtout quand il est enfant, c'est des énigmes qui tournent autour des hiragana et des katakana et en tant que public occidental ça nous passe complètement à côté quoi. Puis c'est assez verbeux quoi, en même temps. Pas mal pour le coup, il travaille vraiment ses enquêtes hein, donc les explications durant un moment. J'ai pas trouvé ça gênant, c'est pas indigeste. Non le dessin il a vraiment une patte à part. J'aime beaucoup son style graphique. Puis on sent que le mec est passionné pour le coup de policier. T'as des hommages un peu, pas que à Conan Doyle, mais t'as des hommages de partout. Je pense que maintenant des tueurs en série peuvent s'inspirer des crimes de détectives Conan pour commettre des crimes. Je suis pas sûr, parce que c'est souvent assez ubuesque quand même. Bientôt ça va être ça quoi. Oh, il tue selon le manga détective Conan, mon dieu. C'est pas de Ténèbres d'Argento qui a ça comme résumé. Ah, peut-être. Un mec qui tue, selon détective Conan. Le tueur tue selon les livres du personnage principal en fait. Ce personnage principal c'est un auteur qui écrit des policiers et le tueur dans le film tue selon des méthodes qu'il reprend au bouquin. Peut-être. Mais ça a un nom, ça, ce type de pathologie, des personnes qui reproduisent. Oui, c'est les copycats, ouais. Sauf qu'en général, ils reproduisent de crimes qui ont déjà eu lieu, enfin par des vrais serial killers. Oui, mais je veux dire, quelqu'un qui reproduirait même les comportements d'un film resterait un copycat. Oui. Ce serait. Je crois que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Tintin. Un serial killer a pu en série, quoi. Un serial killer. Tintin. Voilà. J'aime ces petites références. Bon, laissons Princesse Détective derrière nous. On va parler d'un manga un peu plus violent qu'on est quatre autour de la table à avoir lu. Necro, Issam, Alex et moi-même, on va parler de Murcielago, édité par Ototo. Lequel de vous deux, Necro ou Issam, vu que c'est vous deux surtout qui avez apprécié le titre. Toi, t'as kiffé. Bah, toi aussi. Non je veux bien qu'on me les prête après parce que j'ai. Là, il dit ça, il dit je sais que c'est toi qui as kiffé en mode moi j'ai pas aimé. Je te laisse tout seul, là, vas-y. C'est ça. Connard. J'ai kiffé le plus. Comment il se désolidarise. Oui, c'est ça. Alors, Murcielago, c'est l'histoire d'une. De Yoshimu Rakana. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est le prénom et qu'est-ce qui est le nom vu que tout est attaché en fait. Ah oui, alors. Et c'est un seul mot. Ouais, ok. Yoshimura Kana, voilà. Je crois que c'est un pseudo. En un seul mot. C'est l'histoire d'une tueuse, Kuroko Komori, qui est bien psychopathe, complètement barrée, enfin complètement cliché dans son. Oui, surtout là-dedans. J'ajouterais qu'elle est psychotique et psychopathe. C'est ça. En même temps. Avec des grosses tendances perverses, obsédées sexuelles aussi. En fait, c'est Ryo Saeba en femme avec quand elle absorbait beaucoup trop de drogue. C'est pire que ça. Lui. Pire que le dernier trailer de Nicky Larson. Quoi. Oh, ça y est, c'est Je pèse mes mots. Et en gros, on y reviendra, je me vengerai pour ça. Et en gros, elle est embauchée par le gouvernement pour résoudre des affaires un peu sensibles avec des tueurs dont ils n'arrivent pas à se débarrasser par des moyens traditionnels. Et donc, elle va les affronter de manière souvent très grandiloquente et très spectaculaire. Notamment accompagnée de son assistante qui est une espèce de petite lycéenne fan de bagnole totalement innocente la plupart du temps mais complètement psychopathe aussi qui est toujours à foncer dans le tas et à vouloir tout défoncer avec sa voiture que l'autre dragouille ouvertement veut se la foutre dans son pieu alors qu'elle a une apparence de gamine de 14 ans de toute façon l'autre dragouille tout ce qui bouge hein, elle se retient quand même. Elle a un petit est-ce que je devrais détruire cette innocence. Elle sortira. Je pense qu'à la fin, elle l'aura détruite. Qu'elle va la démolir. Le tome 3, elle va se faire démolir. Sinon, ce qui est génial, c'est que justement, celle qui a une apparence de 2014 ans a quand même son permis. Elle a l'air d'être. Enfin, si tu suis le truc, tu te dis merde, elle est adulte ou elle est. Non, mais c'est le syndrome des mangas, ça. Il y a des personnages qui font 14 ans d'apparence, mais qui ont 30, quoi. Mais... Elle est adulte, hein, mais je m'en fous, elle a une apparence de gamine de 14 ans. Et elle se balade avec un petit vélo à panier rose. Tu mets qu'est-ce que c'est que ça. En attendant, quand elle conduit, elle arrive à rouler sur les buildings, quoi. Donc... Ouais. Bah c'est parce que c'est la Spider Mobile. C'est un peu Vin Diesel. Il y a des gens qui sont en avance, hein, à 14 ans. Ouais. Mozart, il faisait des symphonies. Hein. Mm-hmm. C'est comparable, mais ouais. Ouais, moi j'ai bien aimé. J'ai mis un moment. Enfin, quand je l'ai lu la première fois, je me suis rendu un peu ce que j'étais en train de lire. Et puis plus j'ai repensé, ouais, plus j'ai passé un bon. C'est totalement débile en fait. Mais oui. C'est, pour moi, c'est un aspect série B ultra foutrac qui prend bien. C'est-à-dire, en gros, c'est. Ce sera un film de Robert Rodriguez si Robert Rodriguez était doué. Putain, ah ouais, t'es méchant là. Mais ouais. Mais en plus, il y a des trucs qui sont très sympas, des trucs qui donneraient envie de voir un animé de ce truc-là. Notamment, un moment où une apparition, la mort en quelque sorte, personnifiée, quand d'un seul coup elle est sérieuse pendant un combat, où là tu te dis, ouais, là ça mériterait vraiment une ambiance musicale avec une animation, quelque chose, enfin un truc. C'est retrouvé. Moi j'ai pas trouvé, hein, mais je me solidarise. Hein. Non, toi aussi. J'ai trouvé le truc, c'est le combat contre la. C'est vraiment des traîtres entre vous. Le combat contre la servante du manoir. Ah oui, c'est dans le tome 2 ça. Ouais, où elle se retrouve à un moment sur une lame qu'elle a esquivée, et là tu vois effectivement une sorte de squelette vraiment dégueulasse derrière où tu te dis ouais. Attends, je voulais juste retrouver. Mais tu veux bien me passer. Au moins le tome 1. Ouais, non, tu n'as pas le tome 1. Non, mais voilà, pour moi, c'est. Alors, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le côté, des fois, un peu limite de, du côté blague sur les abus sexuels. En fait, c'est pas que c'est limite, c'est que c'est totalement gratuit au bout d'un moment. Voilà. Ouais, mais tout ça n'a aucun intérêt. Tout est totalement gratuit. Parce qu'en fait, je suis hyper d'accord avec toi sur la description du personnage. Je suis totalement d'accord avec toi aussi sur l'intérêt que ça pourrait avoir. Sauf qu'en fait, ça va beaucoup trop loin au bout d'un moment et ça devient gratuit, comme j'ai dit. Et c'est ça n'a plus aucun intérêt et ça détruit complètement tout la naissance de l'intérêt que j'avais justement pour le manga et ça a totalement tout aplati. C'est comme le côté lesbien du personnage principal qui c'est est, totalement, ouais, qui c'est est ouvertement gratuit et là, uniquement pour plaire le public. Oui, le public hétérosexuel. Oui, non, mais complètement. Mais c'est rebutant. C'est discutable, c'est très rétrograde. Mais je trouve que ça marche en tant que série B complètement con en fait. C'est même totalement beauf. Plus que rétrograde, je trouve. Oui. Oui. Ce côté-là, ce côté lesbien du personnage qui veut se taper toutes les nanas qu'elle croise, c'est plus beau que rétrograde. Mais en fait, je trouve que le côté gratuit fonctionne justement parce qu'il est poussé aussi loin. Sachant qu'on n'a peut-être pas les mêmes curseurs, pour, mais pour coup, moi, c'est vraiment. Pour le coup, tu parlais de Vin Diesel tout à l'heure, mais pour moi, c'est un peu la même mécanique qu'un Fast and Furious. C'est-à-dire, c'est tellement gratuit, tellement excessif, et ça l'assume tellement. Que ça a réussi à m'emporter en fait. C'est, je cherche même plus à me poser de questions. Ouais, mais sauf qu'on n'est pas sur les mêmes procédés quoi. Dans Fast and Furious, ce qui va être gratuit, ça va être l'escalade dans les performances dans les véhicules. Sauf que là, c'est dans les propos et dans le comportement plutôt sexuel, etc. Et ça sert à rien quoi. Oui, après, dans les Fast and Furious, il y a aussi une escalade à ce niveau-là. Hein, et... Il y a un passage qui m'a bien plu dans ce truc-là, c'est par exemple le passage où ils sont en train de manger, où elles sont en train de manger tranquillement dans un diner quelconque, et qu'il y a une attaque à ce moment-là. Oui. Où effectivement elles en ont rien à foutre du hold-up qui est juste dans la pièce où elles sont, quoi. Ouais. C'est une qui est contente de manger son truc, et puis l'autre qui se fait chier, enfin. Et ils se font exploser la gueule, mais de façon catastrophique. Mais j'avais trouvé les blagues. Incrusté dedans, genre par exemple le fait qu'elle pique le couteau de la petite pendant qu'elle est en train de manger pour découper une main, assez sympa. Moi, le seul bon point que je donnerais, c'est le graphisme. Ouais, je trouve ça vraiment bon. Je trouve les dessins plutôt propres, plutôt dynamiques, mais c'est tout. Ouais. Donc, sinon, les personnages, je les trouve insipides. L'intrigue, en fait, à la fin du tome 1, j'étais mitigé, quoi. Je me suis dit, ça va être le tome 2 qui va déterminer, et quand j'ai vu que c'était tout le temps pareil, que ça en renchaînait. C'est pour ça que j'ai commencé le tome 2. Parce que je me suis dit, ils sortent les deux tomes en même temps, c'est qu'il y a une raison. Ouais. En général, quand un éditeur sort les deux tomes en même temps, c'est que le premier suffit vraiment pas de faire une idée. C'est ça. Et au final, le tome 2 est dans la même lignée que le tome 1. Donc, moi, je trouve que j'ai trouvé même pire que le 1, en fait. Clairement. Parce que dans le château, quand on rencontre toutes les personnalités de différents tueurs, ça devient n'importe quoi après. Bah, moi, je suis totalement décroché après. Ah oui, c'est n'importe quoi, oui. Il y a c'est justement ce que je trouve sympa. Après, le n'importe quoi s'assume, pour le coup, je suis d'accord avec ça. Oui, ça oui, coupé. Il y a des Chuck Norris rides dedans. Genre par exemple le fait que la voiture à chaque fois disparaîtra d'une façon ou d'une autre, et du coup la jeune va dire ah bah c'est pas grave, on en rachètera une, alors que c'est une voiture de collection quand même super chère quoi, elle en a rien à foutre. Mais c'est genre oh je l'ai oublié au manoir, bon bah tant pis, j'en rachèterai une. Non mais va la chercher. Non voilà, moi pour les amateurs de ce genre de film ouais, bah de Rodriguez, si vous existez, c'est votre droit. Hein. Si vous voulez voir du bon Rodriguez, lisez ça. Alors que le chat te regardait quand tu disais ça. Arrête de me regarder. Il fait un check. Donc non, moi c'est clairement une lecture que je ne recommande pas. Alex, bon, après, pareil pour toi. Moi, je la recommande pas parce que ça me plaît pas du tout. Après, je peux comprendre qu'il y en ait qui aiment, mais... Non, moi je ne peux pas comprendre. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Mais... Je le conçois, quoi, on va dire. Je le conçois. Ce n'est pas aujourd'hui que Toto, nous convaincra. C'est ça. Alors... Mais elle sort des trucs de ses boobs. Oui. Oui. Oh, mais elle combat avec un god. C'est Mary Poppins. C'est vraiment n'importe quoi. C'est Mary Poppins. Non, mais là, elle sort un gong. Un sac, là. Elle sort un gong à un moment dans ce processus. Oui. Mm-hmm. Chose marrante, à la FNAC, ils avaient mis ça au milieu des shonen. Mais il n'y a pas vraiment de classement là. À hauteur. Bah, non, mais il y a des effets shonen. Hein. Non, mais ça commence par le pouvoir de l'amitié. Ça, ça commence par une grosse scène de cul Yuri Ah oui, le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié. Les premières pages, c'est du Yuri, donc youpi. Une amitié fraternelle. Donc je sais pas, il faudrait peut-être leur expliquer, genre à la FNAC, de lire les trucs avant de les ranger. Ouais, bah surtout que c'est marqué pour public averti. C'est marqué derrière, c'est marqué, c'est marqué donné, Orny ou des trucs comme ça. Ah, il y a des warning. Ouais, voilà. Ah oui, en plus, t'as des mots autour qui sont marrants. Je vois pas pourquoi le mot girlfriend ferait partie des warnings, mais bon. Je sais pas. C'est très étrange, parce que je pense que c'est. Comme c'est parce que c'est le Japon. Attention, il y a des scènes lesbiennes. Oh là là. Ouais, ça, voilà, c'est un puceau qui a écrit ça. Girlfriend, boobs, machin. Donc voilà, une lecture qui a plutôt divisé. Après, c'est le problème des œuvres qui exagèrent à fond, quoi, qui assument totalement. C'est soit ça plaît, soit ça plaît pas au bout d'un moment. Oui. C'est tout. Je pense qu'on peut le résumer comme ça aussi. C'est ça. Ah oui, sinon on a oublié de dire, le personnage principal a été arrêté par la police. Normalement, elle devrait être condamnée à mort, mais ils savent pas quoi en foutre. Donc ils l'exploitent. Bah, c'est surtout qu'elle est condamnée à mort, mais ils arrivent pas à la buter, je crois. Oui, il y a un peu de ça aussi, oui. C'est un peu ça du aussi. Du coup, bah, ils l'exploitent pour des enquêtes, quoi. Ils disent, bon, bah, tant pis. C'est le scénario de Blacklist, en fait. Ça. Puis ça lui permet à elle de décharger ses pulsions meurtrières. Ouais, décharger. Ouais. Un peu à la Dexter. Mais du coup, elle est même pas enfermée, quoi. Elle peut se sortir quand elle veut du bâtiment, faire un tour. Enfin, bah, elle fait partie de la police, elle a une carte et tout, quoi. Ouais. Mais après, ce qui dénote avec l'exagération poussée et assumée, c'est que parfois on essaie de lui donner un côté humain. Non, ouais, c'est pour l'action, ça ne change vraiment pas. C'est un peu pour bizarre. Pour l'instant, quoi. C'est ça dure pas longtemps. Après, ça va peut-être. Pour l'instant, sur le long terme. Plus utilisé comme un gag, en fait. Elle a des moments d'humanité, et puis deux secondes plus tard, oh bah non, finalement. Mm-hmm. C'est une série qui commence à durer. Hein. C'est une série qui fait 12 tomes pour l'instant au Japon et qui est toujours en cours. Ah ouais, la vache. Putain, elle se fait un harem au fil des tomes. Ouais, il y a quand même beaucoup de mangas. Un harem de tueuse. Elle a une sorte de plan. Il y a beaucoup de mangas qui ont des harems, donc c'est pas non plus impossible. Mais je sais pas, l'histoire de la voiture, ça m'a fait penser à Magnum, moi, à un moment où c'était n'importe quoi aussi. J'ai jamais vu Magnum. Bah après, je dis ça rigolo, mais ouais, c'est possible, parce que Magnum, la servante, à mon avis, va les rejoindre. Elles vont être trois, puis après, elles vont en trouver une autre. Alors, je sais que la sniper, du manoir, elle est sur la couverture d'un des tomes, donc ouais, elle en a voilà, aussi. Ça fait partie de la team aussi. Ah, ça, c'était... En fait, c'est du Monster Musume, mais avec des tueuses, quoi. Mais au moins, c'est moins glauque. Ouais, c'est vrai. Déjà, c'est vrai. Bon, bah après, t'as quand même une gamine qui est. Enfin, t'as une nana qui ressemble à une gamine de 14 ans, mais bon. Ouais, mais on n'a pas trop vu son cul. Je veux dire, c'est pas comme l'Harpy de Monster Musume. On en est qu'à deux tomes, hein, mon ami. Ah ben, on demandera la suite au Toto, envoyez-nous la suite. Qu'on voit la culotte de la gamine de 14 ans. Bah, ce serait marrant qu'il reste toujours sur le fil et qu'il se passe absolument rien avec la gamine. Ce serait marrant. À mon avis, ce sera ça, hein, ce sera la Kaori du manga. Non, bah du coup, d'en donner ton adresse à Toto. Alors, poste de la gendarmerie de Reims, cellule A. Section des pervers sexuels. Section des pervers sexuels. Il y a une salle pour monsieur Issa. Ah, oh, bah monsieur Sally, allez-y. En fait, je suis fiché dans les dossiers gouvernementaux. Toutes les lettres de AAS, je suis fiché. Je crois qu'ils ont inventé les Z pour toi. Ouais, c'est, je suis fiché Z. Ils ont même écrit, ils ont même un dossier Hans maintenant. ZZ. Ouais. Fichier double S. Je peux pas oser la faire, mais bon. Ah putain. Bon, on laisse Murcielago derrière nous. Ouais. On va parler d'un titre qu'on a tous lu et qu'on a tous apprécié autour de la table, ça va faire du bien un petit peu. On va parler d'amour, on va parler famille, on va parler de Good Night, I Love You. Oh. Ah. Oh. Non, il était vraiment, vraiment bien. Ça, je pense qu'avec Survivant, ça a été un de mes coups de cœur. Il est incroyable. Incroyable. C'est écrit et dessiné par John Tarashin. Et nous suivons l'histoire de Ozora, un jeune étudiant japonais, qui tout simplement fait un road trip pour... Ouais. Pour oublier le décès de sa mère, je crois. Surtout non, pour honorer, pour honorer le décès de sa mère en fait, rencontrant c'est des amis. C'est un oncle de sa mère qui lui dit annonce mon décès au début à un anglais. Ouais. Et après, au fil. Il se retrouve à aller faire le tour du monde. C'est ça, parce qu'à chaque fois, bah, faut, maintenant que tu me l'as dit à moi, faut que tu le dises à lui, et ainsi de suite. Et, D'ailleurs, j'étais triste qu'il reste pas plus longtemps en Angleterre, parce que j'aimais bien le début de relation avec la fille. Ouais, ça va peut-être revenir par la suite. Ouais, ce serait cool. Donc, c'est très. Très tranche de vie, sentiment. Les villes sont pas tant clichées aussi. Il y a beaucoup de passages dans des villes et c'est pas, je veux dire, c'est pas toutes les fenêtres ne donnent pas sur la Tour Eiffel, par exemple. C'est quand même le passage où ils croisent Edith Piaf dans la rue, je me suis dit. Ah, il y a tous les mimes et tout. c'est surtout une œuvre vraiment très direction éditoriale d'Akata, mais vraiment à fond. Tout ce qui est famille, tout ce qui est LGBT friendly. Parce que dans le premier tome, t'as la rencontre entre. Je sais plus si c'est un ami de la famille. C'est son frère qui est parti parce que. Il était homosexuel et qu'il n'était pas accepté, je crois. Bah voilà, c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas expliqué. C'est pour ça parce que. C'est pas expliqué. Non, moi je crois que c'est juste qu'il est parti. Je crois qu'il est parti parce qu'il n'en pouvait plus de la mère. Ok, d'accord. Non, c'est la suite du décès de la mère. Son père n'était pas présent, je crois qu'il les a abandonnés, et puis ensuite lui aussi s'est barré. La mère n'était pas morte, parce que le père Ah oui, non, c'est la mère, c'est ça. Le père. Pardon, je me suis trompé, c'est le père qui décède. Bon, deuxième prise. Non, mais c'était bien, c'est parti, plus ce que ça racontait, mais c'était pas mal. Hein. Mais le maman, il va sur Peliliou faire la guerre, là, c'est Bah, c'est quand il est en voiture, là. J'ai jamais compris. À quel moment il commence un jeu sexuel avec une de ses collègues de travail? Mais ça, c'est quand il va dans l'aquarium. Ah, voilà. Tu sais, après... Pourquoi il veut devenir youtubeur? À l'endroit où les poissons commencent à murmurer... C'est ça, là où il y a eu le cataclysme et où il était survivant. Non, mais je l'ai trouvé dégueulasse en train de draguer une gamine. Ouais, c'est ça. Bravo. L'inverse, ouais. Bravo. Donc, le père a disparu. Il y a un moment, du coup, quand le frère est parti, le héros lui s'est retrouvé tout seul avec sa mère. Et elle a décliné. Elle est morte, et là, du coup, voyage initiatique, à devoir voir tous les anciens amis de sa mère, devoir retrouver son frère. Bah, narrativement, c'est vraiment une structure de road movie. Ça va d'une étape à l'autre, et à chaque étape, ça lui apporte quelque chose de plus dans son parcours personnel. L'acceptation, enfin, redécouvrir son frère, ne plus le considérer seulement comme le grand frère qui les a trahis. Puis accepter l'homosexualité de son frère. Beaucoup de scènes très émouvantes avec le frère. Ouais. Et puis accepter aussi de se retrouver, parce que là, il y a une vision de la France où les gens s'embrassent dans la rue. Oui, et lui, ça le choque. Voilà, chose qu'on trouve pas au Japon. Et même l'Angleterre, j'avais trouvé ça des trucs très sympas qui étaient typiques. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a par exemple le copain de son frère qui se retrouve avec une baguette sous le bras, et là, il regarde, il fait le cliché du français. Alors que c'est juste, il vient déjà aller chercher le pain, quoi, c'est tout, mais. Mais c'est, j'ai trouvé ça marrant, le fait que ça joue des clichés qu'on retrouve normalement dans les œuvres sur les Français ou les Anglais, et que là, ça passe à côté. En mode, pas ça. On sent le mec, je pense que l'auteur lui-même a dû voyager, ça donne pas l'impression d'avoir été écrit juste en s'étant renseigné sur Internet sur les endroits où il allait. J'ai quand même trouvé exagéré le passage sur les gilets jaunes qui caillassent les CRS. Ouais. C'est un peu too much. Du moment où il se prend le flashball dans la gueule, c'est marrant. Ah bah ça. France ne se résume pas qu'à ça. Macron démission et les Japonais n'ont pas dû comprendre. Oui, c'est ça. Macron. Ça se trouve, ils ont cru que c'était un défilé en son honneur quand ils ont vu. Visuellement, c'est très joli. Ouais. Aussi. C'est très sympa. Oui. C'est très émouvant sur beaucoup de points. Ouais. Il y a des moments où vraiment je. Ok. Ouais, bah c'est du Shin-Goo d'Akata dans toute sa splendeur. C'est ça. Et puis surtout, c'est une série terminée en 4 tomes. Oui, et d'ailleurs, les tomes vont sortir au fil de l'année jusqu'en 2019. Ouais, parce que le deuxième tome sort début janvier, ouais, il me semble. Normalement, dans les mangas, t'as des petits fascicules avec les dates de sortie des 4 tomes. Ah bon ? Ouais, la 14 fois ça maintenant. Ouais, je l'avais dans... Alors, c'était marrant parce que je l'avais pas dans Good Night, I Love You, mais j'ai acheté un autre Akata. Et dedans, il y avait exactement ce type de petit papier avec la sortie des 4 tomes, les couvertures. Bon, il y a toujours écrit provisoire dessous. Mais il y avait les dates de sortie des 4 tomes, donc Je l'avais c'est vu, des sorties aussi. Qui vont être quand même pas trop étalées, quoi. Ouais, non. Je l'avais eu de Whispering, ça. Ouais, bah dans tous leurs titres, ils mettent ça maintenant. Ah oui, exact. Whispering, d'ailleurs, le tome 3 sort en janvier, aussi. Ouais, il est déjà sorti. Le tome 3 ? Oui. Alors c'est le tome 4. C'est le tome 4 qui va sortir en janvier, En parlant de ça en cours, je peux me permettre une toute petite parenthèse. Deux séries en 4 tomes qui justement se sont terminées il n'y a pas longtemps. Donc Le Secret de l'Ange, qui est chez Akata aussi. Et la fin est très très bien. Je pense qu'on en fera un bilan au prochain numéro. Ouais. Et pareil pour Toi ma belle étoile, qui décidément jusqu'au bout reste plutôt cliché dans l'histoire, mais j'ai adoré. Ah oui, t'as fini du coup Toi ma belle étoile. Ouais, j'ai vraiment. Et ça, c'est édité par Nobi Nobi. Nobi Nobi. Moi, je me les achète. Et de chez Akata, c'est Briard. Comment ça s'appelle Good Morning. Good Morning, voilà. Qui se termine bientôt, qui vient de se terminer. Donc, c'est terminé le mois dernier. Ouais, c'est terminé. Ça aussi, il faudra qu'on en fasse un bilan. Good night, I love you. On recommande tous autour de la table. Oui. Ça, on glisse sous le sapin, mais direct. C'était genre incroyable. Eh ben, dis donc. J'espère qu'il va visiter mon pays après. Il y a tellement de trucs à découvrir. Il y a Rochefis. Dans quel pays il se dirige à la fin, je ne sais plus. Il part. Il retourne au Japon. Mais c'est pas à Berlin qu'il va, justement. Ah, il y a peut-être Berlin aussi. Normalement, oui. Il part dans un autre pays d'Europe, mais je ne sais plus lequel. Parce qu'il est à Paris, puis il part pour Berlin, non? C'est pas ça? Ouais, le début c'est Londres, ensuite c'est Paris. Nous aurons la réponse en janvier. Non, mais je crois qu'en plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, il faut qu'il aille à Amsterdam. Amsterdam. Tant pour moi. Il va fumer de la beuh, c'est ça. Il va découvrir les plantations locales. Ouais, il va surtout voir les devantures. Il va se mettre au bio. J'ai eu peur que tu me fasses une imitation de Brel. Par le port d'Amsterdam. Alors là, elle est vraiment mauvaise. Oui, je sais. Alors là, elle est vraiment mauvaise. En même temps, Brel était vraiment. Une Brel. Elle était vraiment comme ça. Attention. Attention à ce que tu vas dire. Pas Brel. Pas Brel. Faut pas taper sur Brel. Non, c'est moi j'aime bien. C'est comme non, mais j'aime beaucoup ses paroles, j'aime moyennement sa voix. D'accord. Mais oui, c'est un artiste brillant. C'est comme il faut pas toucher, il faut faire gaffe quoi. Bon, on va prendre la parole, Issam et moi, pour vous parler de Dog End, parce que je pense qu'on n'a pas grand chose à en dire. Ah, il n'y a que nous deux qui avons lu. Alors, les deux seuls à l'avoir lu. D'accord. Bah, on n'a pas, ça a été envoyé en scan. Donc on peut remercier quand même Kana de nous avoir envoyé les scans. Merci Kana. Merci Kana. Dog End. Ou l'histoire de mecs qui se foutent sur la gueule parce qu'ils ont des pouvoirs. Voilà. Donc, moi, c'est mon résumé. Hein. Oui. Bah, donc, la fin des chiens en canadien. C'est rigolo parce que, honnêtement, le résumé de base, c'est à peu près le même que Murcielago. Quoi. C'est ça. Des tueurs. Enfin, ils sont engagés par le gouvernement pour se débarrasser d'autres psychopathes. Quoi. C'est original. Oui, mais des Panzani. Oui, mais les Panzani. Les psychopathes. Oui, mais les Panzani. Ouais. Bah, du coup, c'est psycho Panzani. Je suis vraiment Pardon, moi, j'applaudis pas. Attends, une petite. On en est à 1h40 de podcast et on fatigue déjà. Ah la vache. Ah non, mais c'est la violence. Je suis très fier de mon interview. Oui, non. Alors, personnellement, Doug Ends, j'ai trouvé ça aux F sur 20. Ouais, c'est ça en fait. Que ce soit au niveau du dessin ou de l'intrigue. J'ai même pas envie d'en dire du mal, c'est juste que c'est. J'ai tellement pitié, j'ai vraiment envie de. Non, c'est juste aux F en fait. Voilà, c'est pas mauvais, hein. Y a rien qui m'a choqué. Mais voilà. Ah ouais. Ah, pas bon. Ah non, ouais, c'était. Pourquoi? Why? C'est dommage, hein, parce que limite le tome 2 aurait pu amener des trucs un peu plus attachants, un peu plus intéressants, et que le personnage, le tueur père là. J'ai pas lu le tome 2. D'accord. Dans le tome 2, il y a un autre un personnage de tueur qui apparaît, qui est aussi père d'une toute petite gamine, et qui surcouvre sa gamine en fait. Et ça aurait pu être attachant, mais même ça, c'est pas plus traité que ça. Donc, non. Voilà. Ça, c'est un symptôme toujours en cours au Japon. Bon, ça peut durer. Hein. Bah oui, enfin, vu qu'il n'y a pas vraiment de. Enfin, postulat de départ, il est néant, donc oui, ça peut durer, effectivement. C'est des mecs qui se foutent sur la gueule avec des pouvoirs, oui. Ah, le chara-design est horrible aussi. Le mec. Horrible, je crois. Oh, il est horrible. Enfin, le méchant principal du premier tome, ça, il ressemble à rien, quoi. C'est un gros tas de muscles en short Marcel, c'est ridicule, quoi. Et alors? Putain, mais c'est d'une laideur incroyable, quoi. Il est jaloux. T'aimerais bien les avoir, ces muscles. Il est jaloux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pardon. Qu'est-ce qui t'arrive à toi aussi? Toi aussi, tu commences à participer ou pas rater d'un manga de merde. Donc il y avait de la coke, t'en as. Fallait le lire. T'as reçu les scans, c'est juste que tu les télécharges jamais. Ouais, parce que je sais que c'est pourri. Alors que je fais plein d'efforts pour vous les envoyer. Ça, c'est vrai, ça. Merci, Sam. Moi aussi, la dernière fois, tu me demandais des trucs de Bliss Comics qui nous envoient. Tu me dis, oui, envoie-le-moi, tu l'as jamais téléchargé, ce salaud. Bah. Bliss Comics, c'est intégral, mon pote. Bah oui. Quoi? Bah des intégrales et tout, bah oui. Alors, qui t'a parlé de trucs OZEF? Est-ce qu'on parlerait pas de. Dark Kings of Kings? édité par Delcourt Tonkal. Écrit et signé par Miyuki Aramaki. Qui a aimé? Ouais. Donc, hein, qui a aimé? Sophia Lirambule. Ouais, elle est pas là. Ah. Bah, alors on s'en fout. Bah, désolé, Sophia. On lui passe le bonjour quand même. Ouais, on lui dit bonjour. C'est une de nos deux seules auditrices. Hein. Bah, elle a le droit d'avoir un avis différent de nous, c'est pas grave. Mais c'est alors, on va commencer par les qualités. L'édition de la couverture est cool. Ouais. Voilà, bah, c'est bon. Même le dessin est pas horrible. Bah, ouais, des fois, il est basique, mais il est vraiment horrible. Bien. Les moments où je trouve que la couverture est mieux dessinée que l'appareil. Voilà, la couverture est bien. Donc, ça a l'air d'être le même dessinateur. Je crois que c'est une première œuvre. On a fait le tour. C'est une série qui est en deux tomes encore en cours. Deuxième œuvre. Deuxième œuvre. C'est, enfin, j'allais dire Heroic Fantasy, non, c'est plus Dark Fantasy. Ouais, enfin, c'est ça. Il y a du dark. Ça essaye. Ouais. Bah oui, il y a des. Oui, là, quand même. La malédiction vampire. Alors, je n'ai pas lu le tome entièrement. J'avoue. La torture à mort, la malédiction vampirique, alors, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est vrai. J'avais oublié le mec qui est retrouvé en train de dévorer les cadavres d'animaux. Alors, ça m'a tellement passionné. J'étais sur mon lit d'hôpital, je n'avais rien à faire, je n'ai pas lu le tome entier. Tellement ça m'a passionné. J'ai préféré ne rien faire dans ma chambre d'hôpital plutôt que de lire le tome. C'est quand même extraordinaire. Alors, donc... T'as coûté combien la sécu, par curiosité? Oh putain, mais on va pas parler de ça pendant l'enregistrement, merde. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour maintenant dire que Osef est un style? Oui. Non, parce que là, c'est Osef. Osef sur 20. On va peut-être résumer l'histoire quand même. Ça se passe au XIIIe siècle à Lublin, bon, c'est en Europe de l'Est, voilà. Ça suit un prince, tu veux, qui est visiblement frappé d'une malédiction. On découvre assez rapidement. J'en voudrais bien une moitié, ouais, s'il te plaît. On découvre assez rapidement que c'est une malédiction vampirique. Et en gros, bah, il est destiné normalement à devenir le dirigeant de son. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Et avec quoi tu coupes? Avec ma bite. Oh, la catastrophe. Tu sais que j'ai les couteaux là-bas. On est mort de rire parce qu'il a failli tout faire tomber en coupant le truc. Mais bon. Donc si vous avez eu un problème au niveau du son pendant l'enregistrement, c'est Alexandre. Il est destiné normalement donc à devenir le roi de ce, enfin, de son pays. Et visiblement à ce que sa cousine devienne la reine. Bon, pourquoi pas, hein, c'est l'époque. Alors ça c'est génial, les cousines. Bon, bah, écoute, oui, t'as même ton résumé, on s'en bat les couilles. Oui, non, mais même ton résumé, il est osé. En fait, c'est ça le problème. Le roi de ton pays. J'ai une rébellion de gilets jaunes au milieu de tout ça. c'est gilets jaunes vampires. C'est assez intéressant. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on s'en fout? Non, mais Macron, il est pas marié avec sa cousine. Mais que dedans, il y a du vampirisme, de la stratégie militaire. Et des vampires végétariens d'ailleurs. Mais moi ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression que la couverture est plus sanglante que l'intérieur du monde. Ouais. Ouais, après il y a quand même 2-3 planches où ça saigne, c'est juste que. 2-3 planches où ça saigne. En fait, c'est juste que c'est des dilemmes moraux qu'on a beaucoup trop vus, c'est-à-dire. 2-3 planches qui font saigner les yeux. Comment est-ce que je vais assumer mes besoins de sang C'est vrai, c'est le truc qu'il y a dans Twilight en fait. Oh putain. Non mais si, il y a exactement. La comparaison qualitative, la vache. Bah non, mais il y a la même chose, le mec qui va plutôt prendre le sang d'animaux pour pas attaquer les humains, Edouard. C'est repris à Twilight, ça. Enfin, c'est repris à Twilight. Ouais, après Twilight, t'as dû reprendre ça, voilà. Oui. Edward, tu brilles au soleil. D'ailleurs, ils auraient pu faire quand même des... je veux dire, dans les goodies Twilight, ils auraient pu faire du papier cul, parce que ça aurait fait du papier Twilight. Oh là là. Oh là là. Eh, il y a un battle là, en ce moment. Par contre, Issa, tu es un peu si de forme aujourd'hui sur les jeux de mots, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je pense qu'il va balancer la max tout à l'heure. C'est la maturité. On essaie de compenser son absence de jeux de mots pourris, donc voilà. Non, mais quitte à lire un truc de vampire super lambda, moi j'ai passé un meilleur moment devant le vampire à 10% que t'avais massacré il y a quelques mois. Hein. Ah, le shoujo là, ouais. Chez Soleil. C'est ce que j'avais massacré? Oui, c'était un truc en deux tomes plutôt orienté jeunesse. Ah, ça me dit rien. C'était ça, c'était plutôt orienté jeunesse. Oui, c'est ça. J'ai complètement oublié. C'était un truc qui était sorti. Ah, mais c'était pas une histoire avec son grand frère et la petite sœur ou je sais pas quoi. Hein. Ah, oui, j'avais vu ça. Oui, je m'étais. Aucun rapport, vous êtes en train de mélanger 5-6 titres ensemble. Ah, non, pas moi. Non, non, ça y est, non, mais moi je me rappelle le truc. Non, non, le frère et la sœur. Celui où le frère découvre que sa sœur est pas sa sœur et vous. Ça, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Mais c'était aussi chez Soleil. Ah, le truc où il y avait. C'est bon, j'ai la bonne lecture. Ah, non. Moi, je vais me rappeler, c'est le truc où t'avais l'impression que t'avais 5 personnages dans toute la ville. Parce que tout tournait autour seulement de ces personnages-là. Ouais, enfin, ça, c'est le principe de personnage principal, si tu veux. Ouais, non. Mais après, dans les décors, il y a des gens. Il y en a plein dans les décors. Imagine, tu joues à Spider-Man et il y a aucun personnage dans la rue qui se balade. Il y a un moment où tu joues à Spider-Man. Mais moi, j'y ai joué, c'était très bien. Et il y a plein de gens dans la ville. Voilà, tu joues à GTA, t'as personne dans la rue. Et même que tu peux leur faire des checks. Y'a que ta voiture qui est là, tu vois, tu te dirais merde, y'a un truc qui va pas. En tout cas, voilà, Dark Kings of Kings, Dark King of Kings, c'est... Mais c'est tellement aux F qu'on parle d'autre chose, quoi. Je pense que ça illustre bien, quoi. C'est ça. Le dessin est pas dégueu, mais à côté de ça, il est moins... Il est banal, quoi. Banal, quoi, ouais. C'est... Disons que pour aimer, je pense qu'il faut vraiment être à la recherche du récit vampirique de base, avec les dilemmes du récit vampirique de base. Ou ne pas avoir de goût. Ou être un acheteur pour... Pardon. Alors... Je me suis dit, si je n'avais pas lu, si je n'avais jamais lu de Dark Fantasy, peut-être que ça m'aurait plus intéressé. Ouais, mais dans ce cas-là, autant aller vers des classiques qui sont bons, connus et reconnus. Qui sont réputés bons, ouais. Voilà. Ouais, mais là il y a les vampires Bible en plus. Éventuellement. Non, Bible Blatt. J'ai cru que t'avais dit Bible Blatt, je me suis dit, bon, éventuellement. C'est même pas de la Dark Fantasy, ouais. Là je suis. Je ne sais pas de quoi on parle. Moi j'ai ça. On t'a grillé, c'est lié. Depuis l'épisode précédent, t'as grillé. Bah, c'est mignon, c'est un peu. Ah oui, c'est mignon, mais Bible Blatt, c'est mignon, ouais. Ça se passe dans une école et tout, et c'est sympa. Et ça n'a pas l'air de connaître. Non, pas du tout. Vous demandez pour lecture jeunesse. Mais alors, il y a même un jeu vidéo qui a été réputé là-dessus. Un taille animé, je crois, de base. Un taille animé. Est-ce que c'est un manga? Non, alors... il me semble que ça a d'abord été un animé. Je sais pas de quoi on parle. Il y a un aérogame qui a été fait à partir de ça, des gars de la vidéo, enfin voilà. Tu regarderas ce soir sur ton grand écran. Je ferai des recherches. Pour ma culture. Bah bien sûr. Donc pense bien à marquer E censurel pour. Oui, ah bah oui. C'est quoi cette poubelle de sopalin, Issam? Non, mais les mouchards à l'aloe vera. De toute façon, j'en suis fait à sa place chercher Emmanuel pas dire, Macron. Mais la marque des mouchards, c'est quand même caresse. Ah ouais. Le sopalin tendresse. Non. Pas mal, pas mal. J'ai pas d'amis. J'aime bien, t'as tout le soir Robert qui indique bien que c'est caresse hein, la barque. Regardez! Une fois caresse! Et je fape, fape, fape! Non, c'est ma façon d'aimer! Oh non, c'est fini! De qui on vient en parler? Ah, c'est bien, c'est bien de refaire des podcasts! Je prends gaffe, et ils sont périmés, hein, tes mouchards. Merde! Non, je rigole, c'est un peu marrant. Ils sont périmés! Oh la vache! Bon, Dark Kings. Je lire, je trouve pas le tome 8. Ah merde! Je l'ai! Sérieux? T'as toute la série? J'ai trouvé un lot en fait. Ah merde! Ah bah! Mais tu le gardes pour toi ou? Bah bien sûr! Oui, bah, ouais, je le lisais des fois. Mais du coup, si je reguette, je te. Ouais, je pense à l'avoir entendu. Alors pareil, faudrait que je te dise lequel. Alors on parle de fragments qui ouais. N'est plus édité par Delcourt en fait. Il y a un tome du coup de Sing Yesterday for Me. Je sais pas si tu pouvais le surveiller pour moi des fois que tu tombes dessus. Alors on est d'accord que du coup on a vraiment rien à foutre du tout de ce truc dont on parlait. C'est exactement ce que voilà, c'est là ça, on est complètement passé à autre chose. Donc Dark King of King, on s'en bat les couilles. Non mais allez, voilà. on vous mettra dans la description le lien de l'article de Sophia Lirambul qui visiblement a aimé. Parce que nous on est au stade on n'arrive même pas à en parler tellement on s'en fout quoi. Mais c'est très assez triste. Ça n'a marqué personne. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui nous suit, qui adore, enfin qui a beaucoup aimé. Ouais, ça a été un coup de cœur pour elle. Et ben voilà, après, allez voir. Elle est suisse, hein, elle est pas tout à fait. Oh la vache. Toi, tu en veux encore pour la deuxième guerre mondiale de te rester neutre, hein, c'est ça? Parfait, il fallait prendre le parti. T'es horrible. Bon. Il faut s'en cacher. On va passer à autre chose, hein. Voilà, on va passer à autre chose. Mais oui, allez voir quand même son article parce que ça peut être intéressant d'avoir son point de vue. Issam, tu vas garder la parole. Tant qu'on y est, on fait aussi de la pub à patates masquées, sinon il va râler parce qu'on parle pas de son blague. Pas la peine, on s'en fout. Après, il va bouder. Issam, il a des DVD à moi. Donc Issam, tu vas garder la parole, tu es le seul à l'avoir lu. Tu vas nous parler rapidement de Tant qu'il est encore temps, édité par Nobinobi. Oui. C'était encore du démat. C'était encore du démat. D'accord. Je veux bien que tu me trouves la. Moi, je te sors la fiche que j'ai préparée. Tant qu'il est encore temps, qui est écrit et dessiné par Keiko Notoyama. C'était édité donc par Nobinobi. Et c'est l'histoire de Misaki, une jeune orpheline atteinte d'une maladie incurable, pardon. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est, ça, ça, ça fait Princesse Sarah, en fait. En plus, je crois que celui-là, je l'ai lu. Ah. En plus, page 15, elle agonise, elle crache du sang, c'est génial. Non, qui, à son lycée, va rencontrer... Ah, mais c'était ma si, je l'ai lu. Mais c'était, mais c'était ma voisine de chambre. D'accord, et t'en as pensé quoi? Non, non, vas-y, fais le résumé, qui, ça reviendra. Qui, dans son lycée, va rencontrer Ray, qui est un beau gosse, mais qui est fils de riche famille, en fait. De riche politicien et qui du coup fait régner la loi. Voilà, c'est si quelqu'un, même un prof, fait un truc qui lui plaît, il dit bah mon père il peut te virer, je te domine, c'est un connard, je te domine, c'est un gros connard, c'est quoi. Ça c'est un connard, sauf que il va se retrouver, enfin il va se confronter à un moment à Misaki, qui elle n'en a rien à foutre, dans la mesure où elle a rien à perdre, de toute façon elle va crever et elle a pas de famille. C'est plus ou moins ça. Ouais, c'est ça. Et ça va... Ça a l'air tellement joyeux. En fait, il va se mettre à la persécuter, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ouais, mais... pour essayer de la faire réagir, en fait. Alors, ça a l'air vraiment très dark pour un titre Nobinobi. C'est... Non, mais... enfin... En fait, le résumé comme c'est ça. C'est très dark dans ce que ça raconte, mais c'est raconté de manière... un peu plus légère. Ouais. Ça m'a fait pas mal penser à un truc qu'on avait lu il y a quelques mois, celui sur une fille qui tombe amoureuse d'un gars qui a une maladie du cœur incurable. Oui, je sais plus comment ça s'appelait. Édité par Pika. Ouais. Closer. Closer to Heaven. Voilà. Close to Heaven. Close to Heaven. C'est un peu le même esprit, c'est-à-dire. C'est un perroquet qui parle. Ouais, c'est tragique dans le fond, mais il y a une certaine légèreté dans le traitement. Et j'ai passé plutôt un bon moment devant. C'est pas mon titre favori chez Nobinobi, mais j'ai passé un bon moment. C'est-à-dire qu'à un moment, la nana se retrouve accrochée avec une croix Saint-André, mais en fait, elle a des monos de lapin mignonnes, c'est et ça. Et puis il y a des. Non, non, c'est pas. Mais c'est juste que c'est vrai que finalement, même si le fond est assez sombre, parce que c'est vrai qu'on parle de maladie incurable, on parle de décès qui approche, etc. Je crois que le fond de l'histoire, c'est qu'elle veut justement se faire des amis avant de... Avant de casser. Ah oui, voilà, c'est ça. Et faire plein de vues sur YouTube aussi. Avec son chat. Et voilà, et du coup, non, j'avais trouvé ça cool que... J'ai vraiment passé un moment en lisant le graphisme, et même si ça s'approche un peu du shoujo, j'ai eu l'impression, graphiquement. C'est quand même assez clair, c'est pas, donc il n'y a pas trop de fioritures. Après, je pense que c'est dessiné quand même plus à un public féminin, parce que j'ai l'impression qu'il y a une histoire, il y a pas mal d'histoires d'amour qui vont rentrer en jeu. Oui, plutôt, plutôt jeunesse aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, mais j'ai pas trouvé que c'était trop. Tu vois, par exemple, pour Princesse Détective, j'ai trouvé que c'était trop. C'est vraiment genre le shoujo qui dégouline de shoujo, quoi. Là, j'ai trouvé que c'était joli, que c'était et puis ça portait bien en fait le sujet, qui était que ben c'est sa dernière année, elle a envie d'y aller à fond et voilà, c'était le point de vue d'une fille sur... enfin, pour pas faire d'amalgame, mais j'ai trouvé que le style du shoujo, ça apportait bien. J'ai une petite question d'ailleurs sur Princesse Détective. Est-ce que c'est aussi kawaii paillette que sur la couverture à l'intérieur? Alors, j'ai pas vu la couverture parce que c'était en démat. D'accord. J'ai vu la couverture, je me suis dit, oh là fait. En fait, c'est un style un peu vieux shoujo à l'intérieur. Niveau mise en page et compagnie, ça peut rappeler un peu du Cardcaptor Sakura par exemple. Ouais, okay. Avec des fleurs, des ornements. Cardcaptor Sakura est quand même infiniment mieux dessiné. Donc. Parce que c'est vrai que c'était un peu overdose chantilly, sucré. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, oh là. Ouais, c'est peut-être parce que t'es ça pas. Ça m'a pas donné envie. Hein mais... Je sais peut-être parce que t'es pas le public cible aussi. Ah oui, non, mais là c'était trop. C'est-à-dire, il y a du shoujo où il y a moyen de faire des couvertures qui sont pas non plus chantilly, sucré, guimauve. Après, ça arrive que t'es dans le jeu de shoujo. Gang Girl Chainsaw n'était pas un shoujo, on l'a déjà dit, Nécro. Après, t'as aussi des shoujo qui ont des couvertures super, qui dégoulinent et à l'intérieur ça l'est moins. Ouais. Genre Switch Girl, enfin tout ce que fait l'autrice. Oui, Switch Girl. Oh, couverture mignonne à l'intérieur. Voilà. J'ai fait caca. Ah bon. Et Switch Girl, c'est extraordinaire, Switch Girl. Genre en fiction. Même là, les couvertures ont toujours rebuté le Switch Girl. Ah, c'est génial. Alors qu'à l'intérieur, c'est génial. C'est génial, Switch Girl. Et son autre série, Ugly Princess, est génial aussi. Non, et puis en fiction aussi, ça fait pas pareil. Tant qu'il est encore temps, c'est terminé en 8 tomes. Même là, les couvertures, c'est des gamines souriantes. Oui. Lequel? De quoi? Ah, il est pas encore trop tard. Tant qu'il est encore temps, c'est terminé. C'est pas encore trop tard, c'est la suite. C'est terminé en 8 tomes. C'est la suite. Ça, c'est quand le médecin lui dit il vous reste 6 mois. Il n'est pas encore trop tard. On a peut-être trouvé un remède à votre mal, mademoiselle. Non, ça... Le dernier tome, il s'appelle Il n'est plus temps. Par contre, votre chéri. Lui, il reste 3 jours. Maniez-vous le cul. Non, mais c'était. Ouais, c'est bien, c'est mignon, c'est attachant. Avec un fond un peu sombre. Ouais, je trouve ça sympa quand t'as des trucs qui s'adressent à un public enfantin, mais qui vont avoir un fond, mine de rien, super sérieux. Et ça donne des enjeux aux personnages en plus. Ça leur donne de la profondeur. Ils ont pas juste zéro but comme. Ouais. D'accord. C'est la romance, c'est une vraie urgence. En gros, Nomi Nomi continue à faire du bon boulot. Ouais. Nouveau, niveau choix, quoi. C'est ça. Voilà. La suite. Ouais. Mais la suite, c'est Alex et moi qui allons prendre la parole pour parler un petit peu comics. Hein ? Est-ce qu'on commencerait pas par parler de la grosse sortie Batman de cette fin d'année ? Batman White Knight, écrit et dessiné par un grand auteur de comics, n'est-ce pas, mon cher Alexandre ? Sean Murphy. Adulé. Adulé, et a raison. Donc écrit et dessiné par Sean Murphy et colorisé par Matt Hollingsworth, donc son coloriste attitré, où ça se passe dans un univers parallèle, donc ça nécessite pas de connaître plus que ça l'univers de Batman, mis à part ses méchants de base. Ça a été défini comme le Murphyverse. Voilà, c'est l'univers de l'auteur, quoi. Il n'y a rien besoin d'avoir lu avant pour comprendre l'histoire, sauf que bah, Batman, c'est Bruce Wayne, que c'est un super-héros, et voilà. Limite connaître l'identité des méchants iconiques, quoi, mais voilà, après, à part ça... En gros, postulat de base, Batman va trop loin. Il franchit la ligne jaune tellement que même la police en a marre de ce qu'il fait. En parallèle de ça, t'as le Joker qui tombe sur... une réserve de médicaments qu'il consomme, et en fait il redevient Jack Napier, qui décide de devenir un homme politique à Gotham, de devenir le chevalier blanc de Gotham, parce que seul lui peut redresser la situation, en s'opposant à Batman qui lui va derrière les barreaux. C'est le postulat de base, c'est une putain d'idée. Ouais, en fait c'est ça, c'est que le Joker va souligner les dangers du vigilantisme et montrer que Batman va beaucoup trop loin. Après, je sais pas si on parle direct de l'œuvre ou tu veux rajouter quelque chose. Côté scénario, j'ai rien à rajouter, donc on peut pas parler de l'œuvre directement. Moi j'ai un seul regret, c'est que justement l'idée de base elle est super bonne, mais il va pas assez loin dedans, Sean Murphy, je pense. Ça reste trop en surface et limite après c'est à la fin c'est évacué, quoi. Mais c'est. Le problème c'est que c'est tellement politique que peut-être que l'auteur a pas voulu s'impliquer à fond dedans et ben voilà quoi, c'est dommage. C'est très politique, parce que dedans, il aborde l'abandon des ghettos par la police. Mmh. Ça, c'est très mis en avant, la violence policière, le racisme dans les grandes villes. Mais toujours en surface, pour moi. Tu vois, ça va pas... Vraiment, il s'implique pas dans le truc, quoi, je pense. Alors que pourtant, il avait juste à tracer tout droit et il pouvait s'exposer sur un sujet vachement intéressant. Après, oublie pas qu'il part sur une trilogie. Oui. Donc... Bah, à voir, justement, s'il creuse le sujet. Ouais, voilà, c'est que la première partie de sa trilogie. Il reste encore deux gros pavés derrière qui vont arriver. Donc peut-être que ça sera encore plus exploré par la suite. Ouais, j'espère. Ouais. Mais c'est un petit regret parce que en attendant, ça reste quand même vachement plaisant à lire. Carrément. Ouais. Côté graphique, il n'y a rien à redire. C'est juste. Bah, c'est du Sean Murphy, donc c'est hyper bien léché, quoi. C'est super beau. D'ailleurs, on a eu la chance en France, je sais pas si c'est exclusivement à la Fnac ou pas. On a eu l'édition en noir et blanc. Non, pas l'édition en noir et blanc, c'est pour tout le monde. Ouais, c'est pour tout le monde. La Fnac, ils ont juste eu une couverture alternative. Ah oui, exact. Ouais. Du coup, on a 3 éditions en France. L'édition de base, l'édition noir et blanc grand format. L'édition noir et blanc qui n'ont pas en VO. Non, qui n'existe pas en VO. Mais vachement génial, quoi. Mais ton Urban sort toutes les œuvres de Murphy en noir et blanc. Tokyo Ghost, il est sorti en noir et blanc grand format aussi. C'est marrant pour l'édition Fnac, c'est marqué en gros le prix Fnac, mais en imprimé sur l'image de le truc. C'est de merde, les gars. Personne n'achète ce truc. Mais vraiment, l'univers que développe Murphy est super cool, quoi. Ouais. Bah, en plus, il y intègre un nouveau personnage, le Neo Joker, là. Mm-hmm. Qui est plutôt cool. Bah, il essaye de foutre une explication pourquoi on a une nouvelle Harley Quinn l'Harley Quinn du film Suicide Squad, quoi. Ouais, c'est ça. Il nous sort une explication, mais pourquoi elle est là, en fait ? Pourquoi elle est là et pourquoi elle est nulle, surtout ? Parce qu'elle est ancrée dans l'univers d'ici, maintenant, celle-là ? Non, mais c'est lui, dans son univers, qui l'intègre, en fait. D'accord. C'est un univers à part, c'est pas du tout... Voilà. Ouais. Il intègre une Harley Quinn à la Suicide Squad, et il nous explique pourquoi elle est là, et pourquoi c'est nul. Ça, c'est extraordinaire. Murphy qui se fout ouvertement de la gueule des, du DC Univers au cinéma. Et c'est quoi ton pouvoir, toi? J'ai une batte de baseball. Ok. Et sinon, je suis cinglé. Non, non. Ok, ça va. J'ai un bon boule. Bah, en fait, c'est ça. Ah ouais. C'est ouvertement dit, c'est... Bah, en fait, elle est sexy, puis c'est, tu sers qu'à ça, quoi, en gros. D'accord, ok. Mais j'avais lu le premier chapitre, il était offert au comic... Ouais, enfin, au Free Comic Book Day. Et ouais, on sentait bien le côté vigilanté vachement abusif de Batman dedans. Qui est vraiment mis en avant et qui est vraiment critiqué. En fait, Murphy pointe juste tous les mauvais côtés de Batman que beaucoup d'auteurs oublient, quoi. C'est-à-dire le Batman qui, en fait... Qui résout tout par la violence, alors c'est que ça. La violence engendre la violence, c'est ça. Etc. Quoi. Et puis genre, oui, non, mais je tue pas les criminels, ouais, enfin, tu les rends paraplégiques, est-ce que c'est mieux, quoi? Écoute-moi, mec. C'est loué, ça. J'ai essayé vaguement de traiter Batman versus Superman, même si très, très, très maladroitement. Voilà, c'est ça. C'était encore plus flagrant dans les jeux vidéo Arkham, notamment le dernier, où c'était... tu pouvais arriver en défonçant les ennemis à coups de Batmobile... ou en leur encastrant la gueule dans un baril de produits chimiques ou en les mettant dans un compteur électrique sans problème. Mais bon, c'était non létal. Je les voyais pas mourir. Et puis tu sens l'amour de Murphy pour l'univers Batman. Ouais. Avec tout ce qu'il met en avant, tout ce qui est tous les gadgets, tous les surtout qu'il arrive à mêler ses passions dedans, parce que lui il aime beaucoup tout ce qui est voiture, qui est etc. Mécanique. Et là il s'éclate, quoi. Il fait des gros, gros jouets pour chaque... Il a tenu sa promesse, hein. Ouais. Un gros véhicule par numéro. Il a tenu sa promesse à donf. La grosse Batmobile, le gros Batplane. Le dernier chapitre où tout le monde a son véhicule, enfin moi j'en dis pas plus, mais c'est énorme, quoi. Mais sinon, le Vigilante, bah, de toute façon, bon, ça c'est là où ça a le plus d'essor, je pense que c'est avec le Punisher. Mais on retrouve ça aussi, du coup, en spin-off avec My Hero Academia. Mm. Où on retrouve justement un peu la même thématique de bah, du Vigilante qui va trop loin et puis bah, qui est... My Hero Academia Vigilante. Ouais. Je veux dire, le mec, il interroge des gens une fois qu'il leur a pété la gueule, qu'ils sont à moitié dans le coma, donc c'est délicat. Et de toute façon, c'est une thématique limite de base à partir du moment où voilà. Tu fais des trucs de super-héros. C'est le fameux un grand pouvoir implique de grandes responsabilités de Oncle Ben. C'est toujours un succès. C'est les mecs, ils ont des pouvoirs immenses, forcément que c'est problématique. Clairement une putain de lecture qui nécessite pas forcément d'avoir lu beaucoup de Batman avant, non. Donc qui peut s'aborder facilement. Et puis enfin, rien que pour les dessins de Murphy, ça vaut le coup. T'as des planches extraordinaires. Ouais, clairement, ouais. La planche où Batman est dans sa cellule et que le Joker est libre, lui, face à lui, et tous les deux se font face, c'est wow. T'as des planches comme ça, c'est putain. Ouais. Ça me fait penser, il faudrait que je vois un de ces jours aussi le Batman où c'est Bruce Wayne qui est mort et que c'est le père qui fait Batman. Ben ça, c'est le Batman de Terre... Terre 2 ou Terre 3, je sais plus. C'est pas le Terre 3 ? C'est Terre 3, je crois. Qui est, voilà, Batman qui est très fort, du coup, parce que lui, il s'en fout, il utilise des flingues, quoi. Vas-y, à taper. Ouais, je le vois, celui-là. Une lecture qu'on commande, Alex et moi ? Oui. Une autre lecture qu'on va recommander, toujours édité par Urban Comics ? Oui. Oui. C'est God Country ? Oui. Oui, oui. Écrit par Kate Donny. Donny Kate. Si tu veux. Oui. Donny Kate. Pourquoi? Je sais pas, je dis son prénom d'abord. Il préfère cet ordre là. D'accord, je pensais que son prénom c'était Kate. Et dessiné par Jeff Chow. Ça te va? Oui. Oui. C'est un one shot. C'est l'histoire d'un... Une mini. Oui, c'est une mini. Mais oui, en atome. Enfin, c'est publié en atome chez nous. Ouais, c'est l'histoire d'Emmett Quinlan, qui est un petit grand-père. Qui souffre d'Alzheimer, donc qui a plus trop de contact avec ta gueule, qui a plus trop de contact avec sa famille. Ouais, c'est un peu ça, de toute façon. Et qui fait une voiture pour voyager dans le temps. Qui un jour va tomber sur l'épée d'une divinité. Putain. Et en saisissant l'épée, bah, il est guéri, il a plus du tout Alzheimer, donc tous ses souvenirs lui reviennent, il redécouvre sa famille. Oh, non, je bande. Tu pourrais fermer ta gueule pendant 5 minutes, s'il te plaît. Donc, il redécouvre sa famille. Et bah vient le moment où la divinité veut récupérer son épée, donc arrive sur Terre pour vouloir lui péter la gueule, sauf que lui, du coup, il a acquis les pouvoirs de la divinité. Et il se dit que, quand t'avais Alzheimer, retrouver tes souvenirs et redécouvrir ta famille, reprendre contact avec ton petit-fils, bah, c'est plutôt cool. Donc l'épée, il a pas trop envie de la lâcher. Donc il est prêt à donner sa peau pour garder tous ses souvenirs. Le méchant, 40, toi, oh, lui, donc. J'avais un bel uniforme. Elle est sexy, l'infirmière. Il a un don pour tout gâcher. Surtout quand on parle de la sortie de l'année, quoi. Bah ouais. Surtout quand on parle de la meilleure sortie de l'année, quoi. Bah oui, mais. Et ça, c'est parce qu'il l'a pas lu. Bah non. Parce que tu il, vois. Il la lira jamais. Parce que tu vois, on parlerait de Pourquoi Haki Giant. Pas lu. Hein. Pourquoi toi, je le lirai pas. Tu vas encore trouver un défaut à lire et tu le liras. D'ailleurs, j'en sais rien. Hein, parce que, hey, on parlerait de Haki Giant, là, il a fait rien, ça bouge beaucoup. Tu vois, Haki Giant, il disait rien. D'ailleurs, j'ai appris que le film, je savais pas du tout. On l'avait dit quand on en parlait. Je croyais pas ça beau. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. On dit que ça, c'est beau. Oui, c'est très beau, God Country. Mais vas-y, finis ton résumé. Ah, mais je pense qu'on va arrêter le résumé là, ça suffit. Oui, bah, derrière, il y a une énorme réflexion sur la famille, les liens qu'on peut avoir. Sur la maladie qui peut séparer les gens. Puis même le fait d'oublier parfois nos ancêtres. Nos proches. Ouais, c'est ça, nos proches plus âgés ou quoi. Peut-être qu'on n'accorde pas assez de temps à nos grands-pères, nos grands-mères. C'est ça, sur le maintien de la mémoire familiale. C'est ça. Voilà. Puis c'est très touchant. C'est très touchant, c'est très joli. À la fin, j'ai un peu pleuré. Mais... Voilà. Je le dirai pas. T'es sûr ? J'en étais sûr. On fera un câlin à Alex après. Il y a aucun à la charge. Donc clairement, c'est la meilleure sortie comics de cette fin d'année. C'est même le temps que je t'ai dit de l'acheter. C'est même bah depuis le temps que tu me dis de l'acheter, il est sorti en septembre, ça va, ça fait pas non plus 10 000 ans. Ah, ça fait juste 3 mois quoi. Mais c'est clairement, enfin c'est même l'une des meilleures sorties de l'année avec Kill Jalons. Qui elle-même était éditée par E-Comics là, hein, c'est chez Urban. J'ai l'impression que il y a un peu des similitudes dans le côté famille et approche de la maladie. Il y a des thèmes récurrents avec ça et aussi avec un petit peu Moon Girl pour la maladie, l'échappatoire. La maladie, pas tant que ça. Non, pas la maladie. C'est juste traitement de base du personnage pour faire la transition entre les deux. Moon Girl Motor Girl. Ah. La maladie, pas tant que ça, c'est vraiment plus sur la famille, les liens. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos proches quand on va s'en aller, etc. Rien du tout. Moi j'ai pensé que t'avais fait une blague. Je donne tout à une association, j'ai petits enculés, genre rien. J'ai pensé que t'avais fait une blague sur travail, famille, patrie, mais ça va. Puis la fin est exceptionnelle, quoi. Voilà. C'est vraiment un tome qui se tient de bout en bout. C'est des auteurs connus. Alors Denny Cates va être connu. Une étoile montante. C'est une étoile montante du comics, clairement. C'est la nouvelle génération qui arrive. C'est comme Tom King, quoi. C'est ça. Ça fait partie de cette nouvelle génération qui arrive et qui va botter le cul à ceux qui veulent pas partir. C'est tous les Bendis, les Millar et les Miller, les mecs, ils ont plus rien à raconter, mais ils continuent à essayer de raconter alors que tout ce qu'ils font maintenant, c'est de la merde. Bah, c'est les Donny Cates et les Tom King qui vont se charger de leur cul et les bouger de là, enfin. Enfin, on espère, en tout cas. Qu'est-ce que t'as mis à Millar et Miller? Bah, ils ont plus rien à raconter, Millar et Miller, quoi. Surtout Millar, quoi. Ah, Miller. Miller, je sais pas ce qu'il a fait récemment. Ah, récemment, pas grand chose, je pense. Ouais, bah si, il a fait sa suite à 300. Non, mais regarde, une suite. En Comics, ouais, il fait une suite à 300. Osef, quoi. Ça s'appelle 300. Qui est totalement Osef. Ah. Non, c'est sur le personnage de Xerxes. C'est une blague. Donc on s'en fout. Non, c'était par rapport au 102 de Dalmatien, je sais. Et puis Miller, le seul bon truc qu'il a fait dernièrement, c'est Huck. Qui était sympa. Ouais, mais là, dernièrement, il a sorti Magic Order. Ouais, bon, mais enfin, c'est Osef, mais on l'a pas encore en France, donc. Ouais, on l'a pas encore en France, c'est vrai. Et encore, c'est pas extraordinaire, avec une norme de souvenir. Ouais, mais c'était pas une lecture mauvaise. C'était pas dégueulasse. Ouais. Ouais, au moins il y avait un minimum de réflexion, quoi. Voilà. Alors que quand tu lisais Reborn, je crois, c'était. Ouais. Ouais, ça c'était nul, par contre. C'était quand même Osef, quoi. Alors que Denny Cates, là, il arrive avec ça. Il bosse chez Marvel en ce moment, donc sur Venom et sur. Alors il est en train de faire Venom, il va faire Guardian de la Galaxie en janvier. Donc on lui confie des grosses séries, quoi. Et il a fait un one shot sur Carnage, mais ça va rentrer dans l'histoire de Venom. Il fait pas une autre série déjà? Si, je suis en train de chercher. Il a fait Thanos. Ah voilà, c'est Thanos. Donc on lui confie quand même des gros personnages, quoi. Ouais. La mise à part Venom qui était un petit peu. Puis apparemment, le titre du prochain film Avenger, là, Endgame, c'est le titre de l'arc. C'est le premier arc des Gardiens de la Galaxie. Donc je pense qu'il est à moitié impliqué dans le film. C'est une grosse étoile montante du comics qui, d'ici quelques années, aura sa place dans le game, quoi, clairement. Yes. Comme Tom King. Parce que lui, Tom King, c'est pareil, il a commencé avec des petites licences chez DC. Et puis maintenant, il fait un run de 100 numéros sur Batman. Voilà, c'est ça. 100 numéros. Ouais. Ouais. Là, chez DC, sur ce qu'il a fait connaître, c'est surtout Grayson, quand il a commencé. Donc il a orienté Grayson, donc Nightwing, il a orienté ça sur une série d'espionnage, ça tombe bien, c'est un ancien espion. C'est plutôt pratique. Et bah là, ouais, du coup, il a fait une série Mister Miracle, et là, il bosse sur un gros run de Batman. Et pour l'instant... Puis il avait fait Vision aussi. Pour l'instant, oui, Vision. Qui était vraiment bien. Et bah, il a Vision qui a reçu des prix. Ouais. Et Mister Miracle aussi, qui a reçu des prix. Yes. Et à mon avis, son run de Batman en aura aussi, parce que c'est loin d'être dégueulasse ce qu'il fait. Tiens, tant qu'on parle de tout cet univers-là, il y a un truc, une info qui m'a fait sourire. Ils vont faire un film, ils sont tentés de faire un film Plastic Man. Ouais. Les Adana aussi ils vont faire. Mais le personnage m'a l'air tellement kitsch et ancré dans son temps que du coup ça m'a fait bizarre comme info. Je vois pas du tout comment ils vont faire. God Country, on fout ça sous le sapin x5. Ah, je le recommande à tout le monde, ouais. Vous donnez bien leur vie, ouais. Malgré des imitations de petits papiers enfoirés. Hein. Bah, comme quoi, c'est encore plus valorisant pour vous si vous arrivez à donner envie dans ce contexte. Voilà. Je vous mets en valeur. Ah oui, je suis d'accord, ça d'accord. Donne envie. C'était la petite parenthèse comics. On a essayé. On a essayé. Mais bon. On a eu des problèmes. Toujours Aïssa à côté alors. Qui fait chier. Promis, le mois prochain, on essaie de parler d'encore plus de comics. De quoi je peux en parler, j'ai oublié. Bah, tu vas garder la parole, dire des conneries. Tu vas parler avec Sally. Vous allez tous les deux nous parler de détonation. Ah, t'as pas l'air d'avoir apprécié plus que ça. Non, mais je sais que toi, ouais, déjà, mais je sais qu'Issam, il a beaucoup apprécié, donc c'est édité. Te laisser faire un résumé. C'est édité par Pika dans la collection Pika Graphique. Ouais. Et c'est écrit et dessiné par Tsutomu Takahashi. Ouais, et je veux bien la fiche pour le nom des. Et bah non, tu vas te démerder. Tiens. Merci. Tu vas te démerder, donc, plutôt. Détonation. C'est l'histoire de Satoru qui travaille dans une maison de retraite et qui est abordé par un ancien yakuza. Il trouve l'épée d'une divinité. C'est ça. Il est abordé par un ancien yakuza, Genji Segawa, qui lui dit numéro. J'aime dessus beaucoup plus le manga, c'est ouf. Vas-y. Donc il est contacté, il y a un yakuza qui lui dit écoute, j'ai un flingue sous mon lit. Si tu veux, on peut passer une soirée ensemble. Mais ça, c'était mon voisin de chambre, par contre, c'était vrai. Je vais le faire avec mon flingue. Il est bien dur. Oh là là. Genji, le yakuza qui lui dit tue-moi parce que ma vie est foutue, je vais juste souffrir si tu me laisses vivre, ça sert à rien, donc achève-moi. Pourquoi il peut pas tirer lui-même? Il est trop faible. Il est trop faible et il a peur aussi de se suicider. Je crois qu'il y a aussi. Il veut pas tirer lui-même. C'est ça, il veut pas tirer la balle lui-même. Oui, c'est un gros lâche, oui. Bon, en même temps, c'est Yakuza. Oh, on va avoir des problèmes. Là, on va avoir la communauté Yakuza sur la gueule. Ça va être... non, mais... Après, il y a du bruit sur le palier. Genre, les mecs sont super rapides. Et donc, il va aussi lui dire. Je vais te dire où. J'ai gardé une somme d'argent monumentale et tu vas pouvoir garder une partie conséquente de cet argent. Par contre, tu vas devoir aussi aller retrouver les familles de mes victimes, des gens que j'ai tués, et t'excuser, faire amende honorable en mon nom auprès d'eux. C'est vraiment un gros lâche. C'est vraiment un gros lâche, le yakuza. Après une hésitation, comment il en est devenu le yakuza. C'est après une hésitation, Satoru finit par accepter. Sauf que son ça va pas se passer comme prévu. En fait, très vite il va arriver dans des bas quartiers japonais parmi des yakuza un peu misérables, enfin un peu minables, et il va notamment se retrouver aux prises avec un yakuza qui retient prisonnière. Tu fais pas le résumé intégral du tome 1 parce que ça commence à être long. Non, c'est vraiment que le début en fait. D'accord. Voilà. Ah, c'est vraiment dense. Prise avec un yakuza qui retient prisonnière une jeune femme qui est un peu réduite en esclavage, enfin, à l'esclavage sexuel auprès de lui, et il va se rapprocher de cette jeune femme où ils vont s'évader ensemble dans une sorte de voyage initiatique assez autodestructeur. Ouais. Ça aurait été marrant qu'il s'approche de la jeune femme en disant j'ai du pognon et un flingue. Sous le lit. Sachant que pour le mec qui se ramène avec son lit d'hôpital sur les épaules. Pour ceux qui ont lu le truc, il y a une grosse approximation, une grosse erreur dans mon résumé, mais voilà, ça reste faux. C'est qu'il faut laisser l'approximation parce que c'est une surprise. C'est et j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise en fait, même si j'ai pas aimé le manga parce que. Graphiquement, j'aime pas la patte et que j'ai des problèmes avec les sous-entendus de l'histoire. Je trouve que cette Inexactitude. Il y en a besoin pour la très bonne surprise justement du récit. C'est pas, à propos de ce personnage-là. C'est pas une femme, c'est un mec, c'est un homme. Mais tu verras si tu le lis. Et en fait, c'était pas des vrais billets, c'était des billets Monopoly. Et en fait, il n'est pas mort. Et en fait, il n'est pas mort. Et en vrai, c'était le Joker qui avait pris les médicaments. Ouais. Mais du coup, alors, graphiquement, je veux bien comprendre, moi j'ai beaucoup aimé, mais qu'est-ce qui t'a gêné dans le message ? Comme je disais la dernière fois, c'est surtout le... Alors je pense que c'est que je l'ai mal compris, mais j'ai pas aimé cette espèce de montée en puissance à partir du moment où il a l'arme à feu, en fait. J'ai eu l'impression que c'était genre, ouais, j'ai un flingue, c'est cool, je peux buter tout le monde. À la base, le personnage principal, c'est un peu un merdeux. Et dès qu'il rentre en possession en fait de l'arme à feu, ben j'ai eu l'impression qu'il changeait pas de caractère, mais que genre il avait l'impression d'être immortel, intuable, invincible, et que du coup c'était un sous-entendu qui était pas plaisant, parce que j'ai trouvé que c'était procure-toi une arme, tu pourras flinguer qui tu veux et être le maître du monde, tu vois. Et du coup ça m'a posé des problèmes dans ma lecture vis-à-vis de ça. J'ai retrouvé un symbole bénin. Après, en fait, je pense que effectivement, c'est ce qu'il ressent lui. C'est-à-dire, il a son arme, ça lui procure un sentiment de puissance monumental. Mais ça, je pense que c'est assez réaliste, en fait. Je pense que plein de gens qui se retrouvent avec une arme dans les mains ont ce sentiment de puissance, ce sentiment d'invulnérabilité qui les prend. Une arme du pouvoir, quoi. C'est ça. Et pour moi, en fait, le récit passe son temps à critiquer ça parce qu'il ne devient pas plus fort. Justement, à partir du moment où il a son arme, ça reste le même minable qu'avant. Ouais. Sauf qu'en plus, il s'en prend plein la gueule de quasiment tous ceux qui racontent. Ouais, mais il bute quand même pas mal de gens, tu vois. Enfin, j'ai trouvé que c'était, comme tu le disais au début, c'est très destructeur, en fait, comme cheminement dans le manga. Mais finalement, c'est pas montré comme quelque chose de positif. Les gens qui butent, c'est toujours dans des contextes très glauques. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas trouvé ça déplaisant, tu vois. Le fait qu'il, on va dire, entre guillemets, qu'il bute les vilains, c'était... Bah, c'est décidé de manière assez jouissive, et je trouve que selon en fait le public qui aura l'œuvre entre les mains, ça peut poser des problèmes, tu vois, parce que j'aurais peur que il y ait un jeune, bon, en France c'est très compliqué de se procurer des armes, tu vois, mais qu'il y ait un jeune public qui tombe avec ça entre les mains et qui se dise ouais, enfin ils ont pas le même second degré que nous, et après au Japon c'est excessivement contrôlé aussi, hein, encore plus qu'en France. Je me doute que je pensais en fait comme d'habitude on pense surtout aux États-Unis quand on pense aux armes à feu, mais comme c'est pas forcément les consommateurs de manga. Après, mais si on fait que des œuvres que les États-Unis doivent comprendre. Non, bien sûr que non, je te parle pas. On ferait rien. Exactement, oui, on ferait rien. Les barres papa. On ferait des Batman. Mais. encore. Est-ce qu'ils comprennent vraiment Batman quand ils lisent Batman ? Enfin, du Batman, mais par Frank Miller. Voilà, c'est ça, du Batman fâché. Le truc de ce sentiment de puissance et d'invulnérabilité, on retrouve ça aussi chez les chauffards qui sont dans les voitures. Simplement qu'ils sont des mecs qui des fois sont extrêmement sanguins, n'hésitent pas à y aller à l'insulte facile, le truc comme ça. Par contre, une fois qu'ils sont sortis de leur bagnole, ben des fois ouais, c'est... Non, bien sûr. Ouais, mais de même que, ben, pour prendre un exemple, actuellement, tu fous un flashball dans les mains d'un CRS, je pense qu'il a vite tendance à en profiter. Oui, alors que, enfin, je pense, c'est ce qu'on a pu voir plein de CRS, je pense qu'il y a plein de CRS qui, dans la vie privée, tu leur retires leur arme. C'est des gens tout gentils, très aimables, mais il y a ce sentiment qui les prend. Et je trouve que le manga le traite plutôt bien, justement. C'est-à-dire, le personnage principal, c'est un minable qui sait pas où il va, qui lui-même se considère plutôt comme un minable. Mm-hmm. Et qui va avoir cette puissance dingue mise entre ses mains, qui va le faire partir, qu'il est incapable de contrôler. Ouais, non, mais c'est comme je te dis, c'est surtout que je l'ai ressenti comme ça, et le style graphique est très agressif en plus, il est très très sombre. Donc, en fait, je pense que c'est un côté positif parce que ça porte l'histoire, mais ça m'a pas plu, donc c'est le revers de la médaille, tu vois. Mais c'est très sombre, c'est très glauque, c'est une lecture qui a été désagréable, je pense qu'elle est faite pour être désagréable. Et c'est ce qui fait que l'œuvre marche. Malaise après désagréable, c'est un malaise positif, oui, voilà. On va dire. Plus mal à l'aise que désagréable peut-être, mais j'étais pas forcément ultra hypée par le titre. Ça m'a pas plu. C'est une série terminée en 3 tomes, pour info. Enfin, ça sera terminé en 3 tomes. Mais c'est pour ça, justement, le style graphique fait que je pense que si des gens se méprennent sur le message, et c'est tout à fait possible, t'as raison, parce qu'il est, il est pas explicite, il n'y a aucun moment un petit personnage qui vient de dire « Oh, la morale, c'est ça !» Tant mieux, en même temps, ça viendrait casser le délire. Quoi. Ça casserait le délire. Je pense que le style graphique très sombre, très agressif, justement fait que l'œuvre nous donne toutes les cartes pour comprendre que c'est pas cool en réalité, son arme. Qu'il est dans un monde extrêmement glauque, malgré tout. Tu veux dire un peu comme le personnage principal dans Scarface ? C'est... Qui est devenu un personnage super cool pour certains, alors qu'en fait, c'est... Mais Scarface, à la limite, la réalisation de De Palma a un côté cool, qui rend le message encore plus implicite. Puis après, c'est comme plein de récits de gangsters, quoi. Mais alors qu'au début, le but, c'était de montrer l'échec. C'est vrai que là, finalement, on l'a pas dit. C'est l'échec du réalisateur. Mais c'est un récit de gangster, quelque part, non ? Oui, récit de gangster qui vire presque à la chronique familiale. Oui, à la fin, oui. Narcos a rendu Escobar cool pour plein de personnes, hein. Par exemple. Est-ce que ça va enchaîner sur de même qu'il y a plein de même qu'il y a plein de gens qui considèrent Al Capone cool après avoir vu Les Incorruptibles. Voilà. Alors que normalement, bah, ils aident tout. Il y avait vraiment des sortes de directives là-dessus pour ne pas montrer ça comme quelque chose de cool. Mais après c'est pareil. Fondamentalement, le personnage de Scarface dans le film, il n'est pas montré comme... T'as pas envie de faire ce qu'il fait dans le film, quoi. Ah, c'est même, il est même bien montré comme un très gros con. Et c'est pareil pour Escobar dans Narcos, il est pas montré comme un héros qui faut reproduire les mouvements, quoi. Mais à côté que les gens idéalisent eux-mêmes, quoi. Mais du coup, c'est bizarre, quoi, de se dire que tout a été fait pour pas montrer un truc cool, pour montrer vraiment une déchéance totale avec à la fin le personnage qui finit né dans la coque et criblé de balles. Et sinon, les gens ils sont là, ouais, putain, c'est trop cool! Ça m'a toujours un peu échappé. Pourquoi avec Scarface, parce qu'il a rien pour lui, quoi, le personnage. Il fait des trucs de merde, c'est un connard avec tout le monde, et il est débile, ce mec. Ah, mais quand il s'exprime, t'as envie de le baffer, quoi. On en parlera quand on fera un Guerre des Capes spécial de Palma. Brian De Palma. Mais il durera 6 heures, parce que. Encore plus, long que le podcast MCU. C'est ça. Est-ce que vous en avez fini avec Détonation ? Bah moi oui, c'est bon, j'ai pas de... De toute façon, Issam va garder la parole, à mon avis. Issam, tu vas garder la parole, tu vas vite en parler, je pense. Le rêve de mon père. Oui. C'est édité par Kana. Je te sors la fiche, mon ami. Écrit et dessiné par Taiyo Matsumoto. Une histoire de baseball. Alors, c'est le premier livre de Taiyo Matsumoto que je lis, voilà. Donc c'est l'auteur de Sunny, c'est l'auteur de Éveil qui sort en janvier, chez Kana aussi. Parce qu'il y a un autre truc qui sort avec Éveil aussi. Attends, je cherche. C'est la suite de la grande nouvelle, c'est ça. Et donc c'est l'histoire de Shigeo, un collégien ultra studieux qui vit seul avec sa mère parce que le père s'est barré. Il a encore vaguement des nouvelles, mais le père s'est barré, il s'occupe pas du tout de lui, enfin il aide pas du tout financièrement la famille, rien. Et pour les vacances d'été, sa mère décide de le forcer à garder des liens avec son père, et donc elle l'envoie vivre pour l'été chez son père, Anao, qui est donc resté un grand enfant, passionné par le baseball, qui rêve d'entrer dans une équipe professionnelle et qui est plus ou moins entraîneur et joueur dans l'équipe locale. Et donc il y a une opposition entre ce père qui restait un grand enfant et le fils hyper studieux. Alors on va commencer déjà par la patte graphique, c'est un style très particulier, au moins voilà, il y a un style propre, ça on peut pas lui enlever, mais moi ça m'a pas du tout touché. Le style de Matsumoto, ouais, ça, voilà. Ça divise, quoi. Mais enfin, moi c'est un style que j'aime beaucoup. Voilà, non mais ça je vais pas m'attarder dessus parce que voilà, c'est très, c'est très subjectif. La réédition de Ping Pong qui sort à partir de janvier en deluxe, Ping Pong c'est génial. Oui. D'accord. Du coup, c'est Number 5 que je pensais aussi, qui vont sortir en même temps qu'Éveil. Moi, mon problème avec le rêve de mon père, c'est le message, parce que ça essaie petit à petit, il va y avoir un rapprochement entre le fils et le père qui va se créer. Sauf que le père est un connard, à un point inimaginable. C'est-à-dire, le mec, il a abandonné il fait un gamin, il l'abandonne. Pour aller jouer au baseball, mais enfin, même dans sa façon de jouer au baseball, quoi, il est pas responsable, il s'entraîne pas vraiment, il est gueulard, il compte que sur un certain talent naturel qu'il a, mais il y a aucun professionnalisme dans sa manière d'aborder le truc. Quand il reçoit son fils, il le réveille à 5h du matin pour l'obliger à aller courir sans lui demander son avis. Il s'intéresse jamais à ce qui intéresse son fils. Il force son gamin à s'intéresser à toutes ses passions, au baseball, à tout et tout. Il l'amène au match. Enfin, c'est un gros connard qui a aucun moment fait le moindre geste pour aller vers son enfant. Et ça nous fait passer un message en mode rapprochement père-fils. Bah non, là, c'est un père abusif qui est en train de... Enfin, qui a une influence néfaste sur son gosse, quoi, qui est en train de... C'est à la limite du harcèlement, quoi, par moment. C'est donc, j'ai trouvé le message ultra gênant. Ouais, non, il n'y a aucun moyen de pardonner le personnage principal, je trouve. En fait, mais est-ce que ce comportement n'est pas voulu pour le pointer du doigt dans les autres tomes? Parce que c'est une série en 3 tomes. Honnêtement, vu la direction que prend le tome 1 avec le fils qui devient de plus en plus tolérant avec son père, et t'as l'impression, en fait, ça cherche à pardonner le père, à le montrer comme un grand rêveur. Moi, je suis plutôt pour rester un grand rêveur, pas rentrer dans le cadre de la société. Mais il y a un moment, quand tu essaies d'imposer tes lubies aux autres, même quand ils veulent pas, t'es un connard. C'est pas du tout traité comme ça pour le moment, en tout cas. C'est alors peut-être par la suite... Mais à l'issue du tome 1, ça m'a vraiment laissé une très sale impression, quand même. Non, mais tu dis ça que c'est parce que t'as toujours pas digéré les choix d'Apple et de Facebook. Non, mais c'est... Quand t'essaies d'imposer les trucs... C'est à la fin du tome, je spoil un peu, mais c'est le gamin qui décide de ne... Alors que l'école reprend, qui décide de ne pas retourner chez sa mère pour s'occuper de son père. Parce que le gamin, parce que le père est incapable de s'occuper de lui-même, parce que c'est une merde ce mec-là. Ça beaucoup aussi... de haine dans ta bouche. Ah ouais, ça. Non, j'ai vraiment passé un très très très mauvais moment en le lisant. Je pense que ça m'a dérangé comme Game vous a dérangé, pour vous donner une idée. C'est vraiment. Ah ouais. J'ai été très très mal. Un gars de chez Akata. Game entre nos corps, ça, on parle dedans. Donc voilà, après, est-ce que c'est moi qui ai mal compris le message? Si l'un de vous le lit. Ouais, parce que là, en fait, vraiment, de ce que tu dis. C'est exactement les mêmes reproches que nous-mêmes on a fait à ouais. Game. Sauf que j'ai vraiment pas... Là, pour le coup, autant Game, j'avais l'impression que c'était traité comme un message, autant là, j'ai vraiment l'impression que c'est essayé de nous... Alors que ça pourrait être pareil. Ton argument pourrait... L'argument oui. que tu utilises pour défendre Game pourrait être valable également pour celui-là. Ouais. Après, sauf que là, déjà, à l'issue du tome 1, t'as le gamin qui envoie chier l'école en mode « je vais vivre moi aussi librement » et qui commence à s'intéresser au baseball. Mais du coup, la manière dont il commence à s'intéresser au baseball, c'est parce que son père, tous les jours, il était « Hey, tu t'intéresses au baseball, hein ? Hey, viens jouer au baseball avec moi ! Hey, arrête de faire tes devoirs, t'es qu'une merde, viens jouer au baseball avec moi !» Il y a des moments, c'est à la limite de ça, quoi. Ouais. C'est son gamin, il est en train de faire autre chose, il le prend par le bras, il l'entraîne dehors. Enfin, non, quoi. Ah, mais voilà, elles sont là, les dates. De Good Night Eve. Oui. Mais merci quand même à Pika de m'avoir envoyé. Non, c'est pas Pika, c'est Kana. Ah, merci quand même à Kana de m'avoir envoyé. Kana dans la collection Made In, je crois. C'est comme ça le nom de la collection en format. Mais s'il y en a d'autres parmi vous qui l'ont lu, vraiment, je serais curieux d'avoir vos avis par commentaire pour savoir comment vous avez ressenti ça, parce que je suis super. J'aurais bien aimé que l'un. Mais notre cher patate masqué l'a lu. Ouais. Donc. Vu qu'il nous écoute, il aura qu'à commenter. Bah dans mon souvenir, il a aussi eu du mal avec la relation. Enfin, il a pas au point de moi, mais je crois qu'il a aussi eu du mal avec la relation entre les deux. Mais ouais, commente, connard. Bravo. Bon, il nous reste plus grand chose à aborder dans ce podcast. Nous allons parler maintenant de Full Paradise, édité également par Kana. Autour de la table, on est 4 à l'avoir lu. Je crois qu'Alex, tu ne l'as pas lu. Salut. Issam, Necro, Sally et moi-même, Full Paradise. C'est écrit par Ninjamu. Ah. C'est Ninjamu. Issam, ne le fais pas. Ah oui, bah, tu vois, il y a deux il y a deux écritures. Oui, ça paraît moins con déjà. Si c'est Ninjamu et Ninjamu. Ah ouais, mais non, mais c'est Ninjamu, Misao. Et au dessin, Misao. Misa. L'histoire... Comment résumer ce manga aux F sur 20? Alors... Qui est terminé en 4 tomes. J'arriverai pas à dire aux F, parce qu'il y a eu des moments... Pour moi, ça l'est, en tout cas. C'est en fait, il pourrait être beaucoup moins aux F. Il manque tellement peu de choses pour qu'il soit moins aux F. Bah, le postulat de base est pas dégueu. Voilà. Parce qu'on va suivre, du coup... Voilà, ça, il est mal exploité. Premier tiers est bon. Alors, on va quand même faire le résumé au bout d'un an. Ouais, fais le résumé. On suit une idole qui, en fait, est tellement populaire que les gens vont commettre des crimes dès que quelqu'un va dire du mal d'elle. Ouais, c'est une sorte de... Tu cherches un truc, Alex? Bah, le chat. Il cherche le chat. Laisse cette pauvre bête tranquille. Une sorte de comment s'appelle de... Pas de religion qui va se créer autour d'elle, mais elle va être un peu genre adorée comme une divinité, et il va y avoir un radicalisme qui va se créer autour de cette idole, et ça va faire que au bout d'un moment les extrêmes vont devenir vraiment abusifs dans ce qui se passe, justement comme tu disais, ils se mettent à tabasser des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue, à commettre des crimes. Ça c'est l'idée qui est intéressante. C'est ça. Ça crée même des tensions internationales. C'est expliqué dedans par rapport à la crise. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui fait que les gens ont besoin de ça, et du coup, ça devient leur drogue. Donc, c'est pour ça que je mets ça en parallèle avec une adoration divine, parce qu'en général, les gens se tournent vers les extrêmes quand justement il y a des crises. C'est un peu... On le voit bien en ce moment. On le voit bien en ce moment. De quoi tu parles? D'ailleurs, espérons qu'on ne sombre pas trop dans les extrêmes. C'est bon, vous avez trouvé votre 4 heures sur pattes? Non. Ah bon, bah... Bien caché. Alors que c'est simple, le chat. Il va venir. Voilà. Mais après, ce coin paquet de croquettes. Le truc, c'est que même s'ils font est vachement intéressant, c'est fait de manière très shonen, et il y a des ficelles tellement grosses que dès les premières pages, tu sais déjà en fait qui est qui. Et j'ai trouvé ça très très dommage. Le seul truc qui m'a vraiment plu, c'est les dernières pages où il y a une espèce de cliffhanger qui était assez chouette. Mais à part ça. C'est très maladroit, mais ça n'a pas suffi pour que ça devienne totalement osef pour moi. Je trouve qu'il y a assez d'idées intéressantes un peu partout. Je suis d'accord avec pour, que ce soit, on va dire, agréable à lire. Moi, je me suis vraiment ennuyé sur la lecture. Il y a des thèmes qui sont touchy dedans, notamment tout ce qui est sur la réinsertion et la peine de mort. Ouais. Où là, je me suis dit. Dans ma tête, je me disais, j'espère qu'ils savent où ils vont. Parce que là, c'est chaud. Je veux dire, tu prends juste le top 1, tu dis que là, au niveau réinsertion, pour l'instant, on est parti sur le postulat, la réinsertion n'est pas possible. Parce que leur but n'est pas qu'ils se réinsèrent. En fait, le manga, il traite la réinsertion de cette manière-là, parce que le gouvernement ne veut pas réinsérer les mecs qui sont partis justement dans ce programme-là. Pour eux, ils le disent, Je parle de l'arrière-goût que ça laisse. Ouais, ben je sais pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as lu, t'es là... Tu peux pas critiquer le fait que ça parle de mauvaise réinsertion quand le but du gouvernement de l'œuvre est pas la réinsertion du tout, quoi. Ouais, c'est un programme de suicide. Quand ils les enferment, les gosses, c'est pour qu'ils se suicident. Il n'y a pas de réinsertion après le suicide. C'est là, pour moi, qu'est la différence entre ça et Noise, qui, pour le coup, faisait passer exactement ce message-là. Ouais. Là, c'est un programme gouvernemental, c'est dit clairement, effectivement, pour. Donc, ça, on a parlé du problème de la réinsertion. C'est pas sous-entendu, ils le disent clairement, c'est pour qu'ils se suicident, quoi, avec ces mots-là. C'est pour ça qu'il y a une réussite de 100%. Mais bon, ça, on peut en reparler justement de la réussite de 100%. C'est tout. Du coup, j'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui était sorti de Fool's Paradise, ouais. Voilà, la couverture est ce qu'elle est. Elle n'est pas plus attrayante qu'une autre, elle n'est pas dégueulasse non plus. À la limite, faudrait lire la suite parce qu'en effet, il y a des thèmes assez... assez touchy. Assez complexes qui sont traités, donc ça pourrait vite déraper. Ouais. Mais pour moi, dans le tome 1, malgré les maladresses, en fait, ça peut faire passer un message intéressant au final. Maladroitement, probablement, mais ça peut le faire passer quand même. Alors, il y a des thèmes, par contre, qui sont... qui ont été abordés de façon correcte, je dirais pas quoi, mais il y a des thèmes qui ont été abordés de façon tellement naturelle que je me suis dit waouh, ils ont réussi. Notamment tout ce qui tourne autour de l'idol. Oui, par rapport à ce qui se passe au Japon, le fait que genre ils aient fait qu'ils soient vraiment idolâtrés. Oui, c'est ça. Oui, et puis c'est aussi le plot twist de fin par rapport à l'idol. Oui, bon, ça après. J'ai trouvé que c'était quand même assez gros et dès le début tu sens ce qui va arriver, quoi. Ouais, mais à côté de ça, je trouvais que c'était le fait que ce soit traité comme ça aussi naturellement. Ah oui, c'était cool. Ouais, ouais. Ça c'était cool. Après, il y a aussi le côté du handicap qui est traité, même si il est assez sous-jacent, qui est assez cool aussi. C'est-à-dire que il est pas. Elle essaye de passer outre ça et elle continue et. ça montre que les efforts ça paye, malgré quel que soit ton handicap, tu peux quand même faire des choses mieux même que presque avant, parce qu'elle s'est entraînée comme une dingue pour arriver justement aux prouesses. Surtout que le handicap est très mal vu au Japon en plus. Donc, Bah, c'est traité, je sens. C'est quand elle a son accident à la jambe, tout le monde dit en tant que viol, elle est foutue. Les producteurs. On veut pas l'infrix en idol. Le producteur, c'est Perfect World chez Akata qui le traite très bien aussi comme sujet. C'est le... celui sur celui en fauteuil roulant, c'est là. Ça. Le producteur dégueulasse. Ben, ce personnage-là, je l'ai. Je veux dire, il sentait le vécu par tous les côtés. Il est horrible. Il y a un producteur dans l'histoire qui est dégueulasse, quoi, vraiment. Je sais, je l'ai lu, mais c'est juste que je me rappelle pas de nom. Hein ? Tu te rappelles pas ? Je me rappelle pas très bien des noms du Fool's Paradise. Je crois que c'est le premier que j'ai lu. Ah oui, le nom, on s'en fout. C'est, je veux dire, il s'appelle Random Producteur Dégueulasse qui offre des... voilà, c'est... Harvey. C'est Random Harvey. D'accord, ok. Weinstein. Qui, ouais, qui offre un sextoy à son assistante. Un trou duc, quoi. Un producteur, quoi. Un trou le terme. Non mais ouais, sans être une recommandation à fond, c'est pas non plus. Après c'est une petite série en 4 tomes, hein, ouais, donc. Ouais voilà, c'est pas un gros investissement dans tous les cas. Omnibilé par le chat sur cette fin d'émission. C'est con pour ceux qui n'ont pas la vidéo. En même temps, il n'y a pas de vidéo, donc oui. Personne n'a la vidéo, il semble. C'est pas faux. C'est quoi pour ceux qui n'ont pas la vidéo, mais... Personne. Hey, je suis surveillé par des caméras. Ah merde. Ah non, elle aime pas du tout. Ça... Elle aime pas être prise. Non, elle va te défoncer ta gueule. Là, elle se dit, oh putain, je vais lui défoncer sa gueule, lui. Je vais niquer sa mère. Lâche-moi ou je te défonce. Là, je me casse. On en a fini avec Full Paradise. Oui. Ouais. Et ben on en a fini avec ce podcast. Sérieux ? Bah oui, ça y est. Ah mince. Comment ça mince ? Non, je pensais qu'il y avait plus de trucs. On en a 3 heures d'émission. Ouais. Donc maintenant, on va parler de Radiant tome 3. Oui, on va parler de Radiant, le retour. Tu veux faire un vite fait ? Bah, il n'y a pas de reco. Bah, je sais pas. On en a pas parlé. Non, c'est tout. Sinon, mais je peux faire une reco ? Si tu veux faire un vite fait, tu peux faire un vite fait. Hein. J'ai rien qui me vient en tête. Si tu veux, je peux faire un vite fait sur le tome 4 des Tortues Ninja, vu que e-comics l'a envoyé. Bon, vas-y, ouais. Bah, c'est juste que c'est très bien. Ça reste les Tortues Ninja, donc c'est cool. Alors non, tome précédent, sans trop en dire, l'une des tortues a subi un lavage de cerveau par Shredder, donc elle a trahi les siens. Donc du coup, dans ce tome-là, c'est la réparation psychologique de cette tortue-là. Donc c'est un tome très mélancolique, avec elle qui remet en doute le côté famille des Tortues Ninja et de Splinter. Et justement, les autres tortues... qui lui font comprendre que, bah non, même si tu nous as trahis, c'était pas de ton ressort, c'était à cause de Shredder. Donc c'est très centré sur la famille. On découvre aussi d'ailleurs les parents d'April dans ce tome-là, qui rencontrent Kazay et tout et tout. Kazay et April qui se rapprochent aussi. Donc tome très mélancolique, très centré sur la famille. Et puis à la fin, bah, Shredder qui leur retombe sur le bout de la gueule, comme d'habitude. Un très bon tome de transition, qui arrive après un arc en deux parties, qui est la chute de New York. Shredder se fait bien plaisir, forcément. Donc voilà, les Tortues Ninja, nouvelle formule, ça reste cool. Là, on commence vraiment à arriver dans les arcs très matures, parce que quand même, lavage de cerveau, oui. C'est pas trop Tortues Ninja des années 90, quoi. Et voilà, vivement le tome 5, et merci à e-comics pour l'envoi. Sinon, en recours, je veux parler d'Hippo. Jimeno Hippo ? Ouais. La fureur de vaincre. La fureur de vaincre ! Qui est l'histoire d'un jeune homme qui se fait maraver par les brigands, par les caïds de l'école, à chaque fois, qui est vraiment pas bien dans sa peau, qui aide sa mère dans son petit commerce, et qui à un moment découvre, parce qu'il a été sauvé par un boxeur, découvre la boxe, et qui va, grâce à ça, pouvoir penser à autre chose, s'exprimer, se développer autrement. On peut et penser qui... grâce à la boxe. Hein ? C'est quoi, c'est Rikudo, c'est ça ? Non, Jimeno Hippo. Ah ok, c'est ce que je veux dire. Et qui, du coup, au fur et à mesure, devient un prodige de la boxe. À tel point qu'ils se disent, merde, lui, il peut être un espoir plus tard. Sachant qu'il n'a pas encore pris un cours, on le fout en sparring partner avec l'un des espoirs vraiment de la boxe qui lui en fout plein la gueule. Mais il réussit à tenir jusqu'au troisième round. Là, ah, d'accord. Alors, faut quand même prévenir les gens que Hajime Ippo, ouais, c'est un manga édité par Kurokawa Shinnou qui compte plus de 100 tomes. Oui, c'est bien celle-là. Il faut quand même prévenir. Il y a plusieurs saisons. C'est en plusieurs arcs aussi. C'est-à-dire que c'est un peu comme. Non, avec... non, ça n'a rien à voir. Parce que je, vois, je vois ce que tu veux dire. Tu parles de Jojo. Ouais. Sauf que Jojo, c'est vraiment une saison, une histoire. Ouais. Alors que Hajime Ippo, c'est vraiment une histoire en continu. Oui, Jojo, c'est un peu de la fraude. Qui a été divisé en saisons, mais ça reste le même personnage tout le long. Ouais, mais après, tu peux regarder une saison en entière. Oui, tu peux t'arrêter après, mais l'histoire continue ensuite derrière. Alors que Jojo, c'est vraiment. Tu peux vraiment lire une saison, basta. T'es même pas obligé de commencer par la première d'ailleurs. Mais voilà, Ippo, je conseille de commencer par le début du coup, parce que l'histoire est vraiment sympa. Et par contre, il y a vraiment une sorte de réalisme. Il y a vraiment une recherche sur la boxe et il y a vraiment une sorte de réalisme dans les coups portés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un ressenti des coups portés. Mais oui, par contre, c'est très cool, j'ai bien aimé. Voilà, c'est le côté, cool. Par exemple, quand un personnage est sonné ou des choses comme ça, on a vraiment. On sent qu'il en a pris plein la gueule et que sa perception n'est pas du tout la même. Et du coup, dedans, on retrouve les codes du manga sportif que j'apprécie pas ou... Oui, mais ils sont moins présents que dans beaucoup de mangas sportifs. Que dans beaucoup de shonen sportifs. D'ailleurs, ouais, c'est du shonen, mais c'est du shoot quand même. Ouais, bah, puis c'est aussi du shonen début des années 90, donc c'était pas encore le shonen l'amitié est plus forte que tout quoi. Ouais. Bah d'ailleurs, chose intéressante, même quand il fait un prodige, les autres, les plus anciens, lui en foutent plein la gueule. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de cadeaux au niveau moral, ils se foutent de sa gueule quand. Oh, l'homme qui pose des questions mais qui écoute pas la réponse. Si, j'écoute. Donc il n'y a pas le côté « Ouais, t'es notre meilleur ami et tout ». Non, c'est « Alors, t'en as chié, là, hein ?» Il est en sang, il a deux doigts de tomber dans les pommes. « Ah bah, ça rentre, hein, tu vois ?» Et ouais, j'ai mis deux pauses, très bien. En manga de boxe, on peut aussi citer Ashitanojo, qui lui a posé les bases. Qui est une série en 12 tomes chez Glénat. Il est très très bien. Qui n'a deux camps, ça vient. Alors là, c'est... C'est vieux, ça. Années 70-80, Ashitanojo. Attends, je vais vérifier quand même, histoire de pas dire des grosses conneries, parce que c'est pas comme si on avait l'habitude de dire des conneries dans ce podcast. C'est pas comme si on était des professionnels, n'est-ce pas? Bon, on n'est pas payé, alors je vois pas pourquoi on serait professionnels. Et pendant que je cherche la réponse, on pourrait faire un tour de table pour savoir où est-ce qu'on se retrouve, puisque ce podcast touche à sa fin, mes amis. On va commencer par Issam, parce que t'es le plus chiant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Issam? Pour la peine, je le dis pas, tiens. Alex, où est-ce qu'on peut retrouver Issam? Sur ma chaîne, l'archiviste du cinéma. Donc en ce moment, je suis en train de monter ma dernière vidéo, mais je suis en train de galérer parce que j'ai pas le temps avec le boulot. Parce que j'ai pas le son, surtout. Voilà, j'ai pas le son, excusez-moi. Bah non, mais sur la chaîne de l'archiviste du cinéma, je vous conseille d'y aller. Il a besoin de sous. Donc Ashitanojo, publication entre 1968 et 1973. Ouais, encore plus vieux que ce que je pensais. Donc compilé en 13 tomes. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Bah, sur Twitter, Green Suro, c'est tout. C'est déjà bien. Et dans ses podcasts? Et dans les podcasts. Et chez Issam? Et parfois chez Issam. Pas trop souvent, quand même. Pas trop souvent. Sally, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, pareil, sur Twitter. Le Salibou. Le Salibou. Ouais. C'est tout. Super. Nécro, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur Twitter, pareil. Sur Counter-Strike, ah, merde. X Dark Sasuke du 24. Ah. Oh oui. Non, sur Twitter, Nécro. Tout un programme. Et Chris, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Twitter. Au gré des bulles, sur Twitter. Ah, je connais ça, c'était une librairie. C'était. Tu as bien utilisé le bon verbe au début de ta phrase, c'est fait. Ouais, mais elle a coulé, parce que bon. Ouais. Il paraît que le propriétaire était con. Ah, il était pas agréable. C'est pas vraiment un bon commerce. Bande d'enfoirés. Ouais, et puis il faisait des trucs dégueulasses dans son arrière-boutique. Non, mais. Ça, faut pas le dire, hein, mot. Ça m'a dit que c'était secret. Hein. Ah merde. Cherchez libraire sur Pornhub, vous avez tombé sur le secret. Je vous ai même raconté qu'avant c'était un salon de coiffure qui, le soir, à partir d'un certain heure, pratiquait des massages pour les messieurs. Alors non. Je crois que tu me l'avais dit. Ouais. Ça, ouais. À une époque, c'était ça. À un moment. C'est sympa. Voilà. C'était ça les tâches bizarres dans la. Mais c'était. Enfin, il le faisait officiellement ou c'était... Non, mais j'en sais rien. Pose pas la question, j'y étais pas pratiquant. J'en sais rien, c'est curieux quoi. Bah ouais, je me souviens de la petite Angéline qui était là-haut. Très sympa. Oh la vache. Elle avait des questions, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà des bonnes anecdotes. Je suis pressé de savoir ce que ça va être maintenant. T'aurais peut-être dû faire pareil, en fait. Tu peux pas faire des finitions à ses clients, non, mais ça va pas. Ben quoi ? Je vous fais les 5% ou alors... Non, les 5%, ça y est, on va en rester là. C'est un petit peu l'arbre dans les mains pour le profil. Les 5% ou... La finition spéciale libraire. En fait. Ou l'emballage ou... Ah, ce podcast se termine sur les bonnes paroles, dis donc. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je suis sûr qu'encore 10 podcasts et on aura appris tous les trucs les plus glauques, les trucs les plus glauques qui seront passés à Reims ou qui se passent à Reims, quoi. Non, on a bien pas fini encore. Entre toi et les gens qui se masturbent derrière les buissons. Qui se font masturber derrière les buissons. Ouais, ouais. Mm-hmm. Et qui se font rejeter par des poubelles parce qu'ils sont juifs. Ouais. Ça, c'était à Lyon, moi. Ah merde. Extraordinaire. Bon, est-ce qu'on dirait pas au revoir à nos auditeurs ? Au revoir. Au revoir. On essaye d'enregistrer un podcast recommandation d'ici quelques jours. Casse sur table, tu veux dire ? Non, casse sur table, comme on avait dit au début. D'accord. On, oui. Ouais. On va essayer. Bah, bilan, quoi. Histoire de leur faire plaisir, un petit bilan de fin d'année. Recommandation. Qu'est-ce qu'il faut s'acheter ? C'est toujours trop bien les recommandations parce que c'est des rubriques simples et puis c'est des recommandations. La chose qu'on aime, donc c'est qu'est-ce qui a été marquant en 2018, qu'est-ce qui s'est terminé, les gilets jaunes, ouais c'est terminé, ouais, seulement une édition spéciale, la droite au pouvoir, bouh, la république, c'est moi. Ça, ça a été marquant, ouais. C'est vrai que lui aussi, merde, il est fou. Et bien nous nous retrouvons pour un prochain numéro, merci d'avoir écouté celui-là. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Bye bye. Salut. Bye. Meow.